Bonjour tout le monde, content de vous retrouver ce matin. C'est parti, mardi aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre, il est 6h26. Et Julie qui est contente parce qu'il y a de l'info aujourd'hui, là, elle va pas s'ennuyer. Oh là là, l'information, l'information c'est moi. Exactement. L'information c'est vous qui la vivez, c'est moi qui en vis. Au taquet des nouvelles. Oui, ça va et toi? Oui, très très bien. Passé une bonne nuit. Très calme, très posé. J'ai passé une bonne nuit. Une bonne nuit, et oui, on a dû se remettre du week-end. Donc Chouchou a dormi toute la nuit. Mais non, il était même pas là et Chouchou hier soir. Non, il était pas là. T'as vu, j'en sais des choses. Il était chez sa maîtresse. T'as vu, j'en sais des choses. J'ai des infos, moi. J'ai mis des micros chez elle. Oui, bien sûr. Avec des caméras, vous verrez bientôt, il y aura des images. Bon, taf en pleine forme de son week-end à Milan. Non, malheureusement, non. Ça n'est pas possible. Écoute, j'étais en pleine forme jusqu'à ce que j'arrive à la radio. Et qu'il oublie ses clés, idiot. Donc non. Il est resté dans la voiture. Voilà, je suis. Mais non. Ouais, voilà. parce que faut savoir, je suis le premier arrivé. Donc en fait, si j'ai pas mes clés, tu voilà. Il se passe rien. Exactement. Voilà. Bon, enfin bon. L'homme aussi, pardon, en pleine forme. Ouais, en pleine forme. Bon, tant mieux. Et puis vous aussi, j'espère. Non, pas du tout. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne nuit, que vous avez passé une bonne journée à notre écoute. En tout cas, on est là jusqu'à 9h30 avec ce matin. Oh là là là là, je pouvais lui mettre des patates. Ça m'a mis une mauvaise poêle toute la nuit. L'autre débile là, dans L'amour est dans le pré là. Avec les longs cheveux là, genre Miss Monde là, alors que putain, elle ressemble à rien. Enfin, bon. Geneviève, déjà avec son nom. Enfin bref, on aura l'occasion en tout cas de mettre les meilleurs moments ou les pires moments. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y en a tellement là. Il y en a tellement. Dur, I wish other thing. Ah oui, celle-là n'était pas mal. C'était très bon. Non, ça était aussi, pas mal. Pour moi, le meilleur moment, c'est l'arrivée à l'hôtel. Oui, l'arrivée à l'hôtel est pas mal également. Ça dure 3 minutes, mais c'est 3 minutes de bonheur. On aura l'occasion, en tout cas, de vous remettre les meilleurs moments, évidemment, de cette magnifique émission qu'est L'amour est dans le pré, bien sûr. On fera chier du monde également ce matin. Nous aurons pas mal de choses à vous offrir, des écrans plats dans la devinette qui colle, et bien sûr, les tout nouveaux Sony Xperia qu'on a à vous offrir. C'est les smartphones Sony Xperia. Et bonne nouvelle pour ceux qui ont gagné les iPhones la semaine dernière, ça y est, je les ai. Ils vont partir aujourd'hui, donc comme ça vous allez les recevoir d'ici demain ou après-demain. Donc voilà, service rapide pour les iPhones. Ah ouais. Bon, attention, devinette qui colle, écoutez-la bien. C'est pour repartir avec, comme je le disais, l'écran plat ou les Sony, les téléphones, les smartphones Sony Xperia ou encore la tour iPod géante. Blanc, il peut être pour une classe désignée, ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, je répète, blanc il peut être pour une classe désignée, ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Oh si, ça se trouve au niveau du coup là, quand on est bien sapé. Ah, je pensais aux avions de Aer Lingus, mais ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Quand on est bien sapé, il y en a là, sur les côtés là. Un petit indice éventuellement à donner? Chemise. Oui, canard. Canard, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 6322, donc c'est 1€ le message. Et comme je le disais, écran plat ou Sony Xperia, c'est les smartphones qu'on vous file toute cette semaine sur Fun Radio. Voilà. Dans un instant, il y aura aussi la ligne anti-relou. On fera aussi un tour du côté du remboursement des factures. Là aussi, je vous expliquerai comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Dès le début, c'est facile, hein, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Mais rassurez-vous, on aura l'occasion d'en reparler évidemment avant 7h du mat. Et puis dans un instant, on écoutera le son d'Avicii aussi. Avicii avec Levels, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et à 6h30 précise, faisons le premier point sur l'actu maintenant. C'est avec Julie que ça se passe sur Fun Radio. Bonjour à tous, le roi tient sa décision en suspens. Elodie Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi va consulter aujourd'hui et demain avant de donner sa réponse. Hier, les événements se sont bousculés après que la réunion de la dernière chance entre les négociateurs a échoué. Alors que le formateur filait vers la résidence du roi sans faire de commentaires, le nouveau président du CDH, Benoît Lugène, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux, se disaient choqués, eux aussi, cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à la sortie du Parlement dès l'arrivée de Di Rupo. De son côté, l'ANVA se dit prêt à former un gouvernement d'urgence socio-économique sans le PS. Pour Bart De Wever, le PS est le seul parti qui dit clairement non aux recommandations européennes. En tout cas, on ne sait toujours pas si le roi va accepter ou non la décision du formateur Elio Di Rupo après plus de 500 jours de négociations. Alors, Quelles sont les options du souverain? Faire pression sur les négociateurs et relancer Elodie Rupo, ou alors nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre, ou bien former une autre coalition, ou encore des élections anticipées. Dans le reste de l'actualité, premier jour du procès pour le meurtre de la jeune Sadia, cette jeune fille de 20 ans tuée par son frère parce qu'elle refusait un mariage forcé. Moudassar, son frère, a révélé qu'il avait également voulu tuer son autre sœur, Sarija, ce qui pourrait changer la donne. Actuellement, Sarija est aux côtés de son frère et de ses parents dans le box des accusés. Le tribunal civil de Bruxelles a débouté 23 victimes du Sauve-Thénon. Pour la justice, les faits sont prescrits. Les victimes estimaient que l'État ne s'était pas comporté de manière prudente en laissant sur le marché ce médicament allemand, notamment prescrit contre les nausées aux femmes enceintes. Les victimes exigeaient 1 million d'euros chacune. Elles ont décidé d'interjeter appel de ces décisions défavorables. À Molenbeek, une femme âgée de 40 ans a été tuée d'une dizaine de coups de couteau avenue de Sippelberg. Son ex-mari s'est rendu à la police. Une dispute conjugale serait à l'origine du drame. L'homme se serait acharné sur son ex-épouse en apprenant qu'elle avait dénoncé leur mariage blanc. Et puis en Égypte, déjà 23 morts depuis le début des violences, surtout sur la place Tahrir au Caire. Le gouvernement a finalement présenté sa démission au Conseil suprême des forces armées, au pouvoir depuis le départ du président Hosni Moubarak en février. Démission refusée par les forces armées. Et puis enfin, au chapitre sportif, la FIFA l'a officialisé. Mémé Tchité, l'attaquant du Standard, ne jouera jamais pour les Diables Rouges. Il est 6h32 sur Fun Radio. Restez bien là. Il y a Avicii qui arrive dans un instant avec Levels. Et puis quel temps pour aujourd'hui? Eh bien, les courants d'air seront un peu plus humides. La grisaille matinale sera plus lente à se lever, voire même persistante par endroits. Maxima de 11 à 14 degrés. Demain, une perturbation traversera le pays et on va pouvoir sortir les parapluies par endroits. Ça faisait longtemps, tiens. L'essuie-glace était presque fatigué. Je me demandais s'il marchait encore. Comme ça, je le saurais, tiens. 6h33, un petit message qui est arrivé sur le Facebook, sur le groupe Facebook, sur Amical Officiel, d'Astrid qui dit: vous êtes trop fort, je gagne vendredi. Et aujourd'hui, l'argent est déjà sur mon compte. Encore merci. Pour une fois qu'il y a des gens qui se plaignent pas. C'est vrai qu'en général, on n'a pas de nouvelles quand il n'y a pas de problème. Voilà. Ils sont plutôt là pour dire ça. Donc voilà, comme quoi. Hein. Quand le cadeau ou l'argent arrive vite, quand on rembourse les factures, il n'y a jamais des merci, c'est génial. Ça arrive rarement. Mais par contre, quand on a une demi-journée de retard, oui, c'est un scandale, vous êtes des escrocs, etc. Donc ça fait plaisir. Merci Astrid en tout cas pour le message. Bon, quelle est l'info en plus à 6h33? Eh bien, l'info en plus est plutôt rigolote. C'est un pasteur du Queens, donc aux États-Unis, qui a trouvé le moyen de rendre les services religieux moins rébarbatifs et de renforcer le mariage de ses fidèles. En fait, lors de son sermon du dimanche, il demande à 4 couples de s'embrasser pendant 5 minutes devant le reste des fidèles rassemblés. À l'issue de cette démonstration d'amour, eh bien, le public doit voter pour le couple le plus amoureux qui reçoit $50 à dépenser au cours d'une sortie à deux. D'accord. Donc c'est pas mal. Donc il explique qu'il n'y a rien de mal à afficher son amour en public et qu'il est convaincu du pouvoir du toucher. Enfin, il trouve ça bien, quoi. Il faut montrer qu'on s'aime. Donc c'est quand même marrant. À chaque début de ces sermons, il y a des gens qui s'embrassent pendant 5 minutes et celui qui a l'air le plus proche, enfin voilà, il reçoit $50 pour aller faire un petit truc à deux. Je trouve ça super mignon. Oui, pourquoi pas. À partir de quand on va arriver à des trucs plus sexuels? Ça va débarquer à un moment. Je te rappelle, c'est dans une église que ça se passe. Tu sais, il y a des trucs qui se passent parfois, on sait jamais. Hein. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, blanc, il peut être pour une classe désignée, ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Qui est-il? On proposait un foulard, c'est Lisa, la mauvaise réponse. Donc, on proposait un pic de Gauthier, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Un papillon n'est pas non plus la bonne réponse. Papillon, non, ça n'a rien à voir avec le papillon, la cravate. Hein. Ça se met effectivement autour du cou. Ça fait partie d'un vêtement qui se trouve, que quand vous le mettez, il y a cette partie qu'on cherche qui est autour du cou. Quoique, chez les filles, ça a été une mode à un moment donné d'acheter que cette partie-là et de la rajouter au-dessus de n'importe quoi. C'était bien laid d'ailleurs. C'était bien laid. Non, mais voilà, c'est sur des chemises en général, le dessus des chemises. Là, je peux vous donner plus d'indices, il y a un moment, ça fait une espèce de pointe comme ça. Enfin bref. Voilà, Elvis Presley, on peut dire ça aussi, tiens, il en avait des bien hauts, lui. Hein. On pourrait dire entre nous Fabrizio d'ici de la radio, mais ça mais bon, là, totalement inconnu évidemment. Donc voilà, si vous avez une idée, Elvis Presley et chemise, ça devrait vous donner une idée. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous y allez. Et puis à vous offrir, donc comme je le disais, écran plat ce matin ou les smartphones Sony Xperia. Dans un un instant sur Fun Radio, restez avec nous, il y a The Wanted qui arrive avec Glad You Came. 6h39, bon réveil tout le monde. On vous remboursera vos factures tout à l'heure pour ce faire. C'est simple, un petit message maintenant si vous voulez au 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme des messages qui sont arrivés, tiens, des astuces pour l'assurance aussi, 155 €, 100 € pour payer la nounou de mon petit, 197 € pour les jeux de Saint-Nicolas, 92 € pour Electrabel, 45 € pour Mobistar. Et oh, j'ai reçu une facture agréable hier d'Electrabel. Oh, pour la clôture du compte, il me rembourse 5 €. J'ai payé trop, j'avais une angoisse. Bah ouais, j'avais une angoisse, j'ai vu la lettre, je me dis oh putain, en plus c'est la clôture, donc je me suis dit oh là là, ça va être une angoisse. Et il me rembourse 5 €, j'étais content pour une fois, tiens. Pour une fois, c'est bien. Comme quoi ça arrive. Bah ouais, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture si vous voulez qu'on vous appelle dans 30 minutes pour vous rembourser votre facture. De quoi on parle? De Miss Belgique. Enfin, d'une ancienne Miss Belgique. D'une ancienne Miss Belgique, oui, Tatiana Silva. Je sais que toi, elle te disait pas grand chose. Ah mais... si, c'est la copine de Stromae. Ouais, bah bien sûr, parce que je te l'ai dit en antenne. Oh, comment il fait le mal. Ça alors, elle le savait même pas. Comme quoi, elle est pas people. C'est ça, bien sûr. C'est dingue. Stromae que j'ai eu la chance d'interviewer et qui est très très sympathique. Et très gentil, tout à fait. Ouais, vraiment. Ça vient un peu bizarrement, mais très sympathique. C'est un mec très sympa. Oui, bah ça c'est son style. En tout cas, sa copine, donc Tatiana Silva, qui présente aussi la météo sur la RTBF. Enfin, comme ça, ceux qui n'avaient pas situé maintenant situent. Eh bien, elle est en lice avec une autre Miss, mais une Miss France cette fois, Valérie Beg, celle qui avait défrayé la chronique avec son histoire de yaourt là. Tu vois qu'elle pose des avec du yaourt. Ouais, ouais, tout à fait, je vois bien. Geneviève ouais. de Fontenay avait pété un câble. Eh bien, en fait, les deux femmes seraient dans la dernière ligne droite pour reprendre le rôle de Victoria Silvestre. Ah oui, dans la roue de la fortune. Ah, c'est bon ça. Ouais, tu, vas voir, ouais, ça va, ouais. tu vas voir, ça va être Tatiana Silva. Ils sont à fond sur les Belges pour l'instant, eh bien, la télé. Pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, la roue de la fortune est prête. C'est à 11h le matin sur TF1. Mais De Chavannes l'abandonne. Et donc, du coup, c'est Benjamin Castaldi qui va reprendre en janvier. Oh non, pas lui, je ne peux plus voir sa tête. Si, c'est Benjamin qui va reprendre ça en janvier 2012. Et donc, ils sont en train de chercher la remplaçante de Victoria, la grande blonde pulpeuse, très pulpeuse, qui faisait elle tourner la roue. Trop et bien pulpeuse, voilà. Hein, maman. Enfin, oui, ah ouais, maman, c'est moche, ça, hein. C'est sûr. Et bien voilà, Miss France 2008, Valérie Beg, et notre Miss Belgique, Tatiana Silva. Et bien, elles seraient toutes les deux là, sur la dernière ligne droite, pour savoir qui des deux va tourner la roue, quoi. D'accord. Bon, donc, on suit ça de très très près, espérons peut-être. Que ce soit Tatania. Tatania. Tataillé. Tatiana Silva. Tataillé. Bah oui, bon. On le souhaite, ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et puis, comme dirait Julie, car elle adore ça, Cocorico. Hein Je sais pas de quoi tu parles. Arrête de foutre ma gueule lundi, t'étais contente parce qu'il y avait un truc, t'as fait oh Cocorico parce que t'es un belge. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Arrête, quelle mauvaise foi, c'est dingue quand même. Non, c'est dingue. Tout ça parce qu'elle a pas passé la soirée avec Chouchou, alors du coup, elle est chiante. The Wanted arrive dans un instant sur Fun Radio. On aura aussi la ligne anti-relou, restez avec nous. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 6h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec dans un instant la ligne anti-relou, le son de The Wanted aussi avec Glad You Came. Et que se passe-t-il sur les routes, Julie? Rien. Ah bah tant mieux, tiens. Mais par contre, faites attention au brouillard qui réduit fortement votre visibilité, donc respectez les distances de sécurité. Voilà, donc faites un peu gaffe quand même aussi, hein. Et puis je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un problème sur la route, que ce soit un radar, que ce soit un embouteillage, un accident ou des ralentissements, hein, n'hésitez pas à nous prévenir pour faire jouer la Fun Solidarité. Pour ça, c'est simple, vous nous envoyez un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message, pour nous prévenir tout simplement. Ou alors, si vous avez un smartphone, bah, vous me faites un petit mail, mickaël@funradio.be, ou encore vous nous suivez sur Twitter ou sur Facebook, mickaël officiel, pour venir nous rejoindre. Je compte sur vous. Allez, le moment que vous attendez tous, évidemment, maintenant, la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et on paiera vos factures aussi dans quelques instants sur Fun Radio. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme 30 € pour internet, là 45 € pour Electrabel, c'est Sébastien, 60 € pour avoir roulé trop vite en écoutant je ne sais pas quoi, j'ai pas la fin du message, le plein du tank à gaz, merci d'avance mais on sait pas combien, c'est dommage, 127 € pour internet, dis donc tu vas bien toi, hein. 119 € pour une Ice Watch David Guetta pour l'anniversaire, très bien, d'ailleurs on aura des Ice Watch bientôt aussi à vous offrir, hein, pour les fêtes de fin d'année, tout ça va être cool. Ben oui, je sais, je fais péter le... Je fais tout péter. Voilà, j'ai décidé d'offrir un cadeau. De toute façon, hein, ça n'a rien à garder dans la cave. Non, voilà, on aura bientôt à vous offrir des Ice Watch. Ce sera pour très bientôt. Restez bien là. Bon, allez, ligne anti-relou maintenant. 0473 86 0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou à retenir par cœur. Pourquoi faire? Je vous explique. Car si vous la retenez bien par cœur, eh bien, quand vous croisez un relou, que ce soit quelqu'un qui vient vous draguer, que ce soit votre boss, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un que vous croisez dans le métro, bref, vous faites ce genre, vous n'avez pas le temps et vous lui dites bah, écoute, j'ai pas le temps, mais je te donne mon numéro de téléphone, je compte sur toi, rappelle-moi au plus vite, mais là j'ai vraiment pas le temps, j'ai un rendez-vous. Le gars va pas vous prendre la tête hein, parce qu'il va croire que vous avez vraiment un rendez-vous puisque vous lui avez donné le numéro de téléphone, et du coup bah, il vous lâchera la grappe. Sauf qu'après, quand il appellera, il tombera chez nous et c'est là qu'on va se marrer. Écoutez le premier message. Oui, Fabienne, salut, c'est Francis. Ben écoute, je te sonne parce que ça fait un petit moment que j'essaie de te contacter, ça fait 3-4 jours et il n'y a pas moyen, je ne sais pas sur ton répondeur. Ah oui, tiens, c'est bizarre. Non, bon, et si je décide de laisser mon message, ben voilà, écoute, je suis en manque de toi, on a fait l'amour comme des malades, voilà quoi, donc maintenant, plus aucune nouvelle, tu m'as dit que tu allais me recontacter, je suis là comme un petit blaireau en train de t'attendre, je me pose la question, ben maintenant je suis en direction de Bruxelles. J'espère que tu vas pouvoir me contacter, Corona. Allez, à bientôt. Ouais. Eh ben non, hein, je pense que tu vas te la garder sous le coude. Hein. Je pense bien, ouais. Je pense qu'il y a un moment, elle va plus servir, là. Mets-la au placard, te casse pas la tête. Mm. Bon, il avait pas l'air relou, je pense, pourtant, à première écoute. Maintenant, bon, après, elle a certainement ses raisons. Hein, probablement, ça, c'est sûr. Si elle lui a filé ce numéro-là, c'est qu'il y avait des très très bonnes raisons. Certainement. Deuxième message. Allô, on dit que tu cherchais des hommes précieux. J'ai envie de toi. Arrêtez de laisser des messages comme ça, ça excite Julie. Après, elle est comme justement. Une dingue tout le reste de l'émission là. Justement, je voulais passer un message. Ce n'est pas excitant. Donc, arrête, hommes qui laissaient ce genre de. Savoir non, qu'après, non, elle reprend les sons et les met sur son portable. Après, elle les écoute comme ça. Mais ah, oui, c'est génial. Boucle, hein, bah, ouais, moi, je sais bien. Quand Chouchou n'est pas là. Mais entre nous, non, arrêtez ça tout de suite. Bon, dernier message pour Storcy. Oui, bon, voilà. Oui. En fait, c'est pas pour être méchante, mais là, ça fait plusieurs jours que vous n'arrêtez pas de me limite harceler. Et je sais pas comment t'as eu mon numéro. Je sais pas très bien qui t'es, je comprends pas bien tes messages. Mais il y a un truc que j'aimerais vraiment te demander, c'est d'arrêter de me parler, si possible. Et vu la définition que tu m'as faite, je pense que je suis beaucoup trop jeune pour toi. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'on s'est tout dit. Et pour le rendez-vous pour demain soir, ben, je n'y viendrai pas. Je pense que tu t'en doutais. Et voilà, bisous. Voilà. Alors là, comment c'est possible qu'elle appelle la ligne anti-relou alors que. J'ai pas très bien compris. Mais je sais pas comment est-ce qu'elle est tombée sur la ligne anti-relou, mais enfin bon, de toute façon, elle avait l'air relou aussi, hein, se le dit au passage. Hein. Bah non, elle a fait ça très très bien. Ouais. Je trouve justement, elle a fait les choses très posément, très cash, très bien fait. Retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure, à 7h45 à peu près. On cherche toujours la devinette qui colle. Je vous en parle dans un instant, mais ce n'est pas une cravate. Et il y a un message qui est arrivé qui dit: Mickaël, réveille-moi, vieille tantouse. Ah. D'accord, pas de problème. Voilà, tu vas bien pouvoir te réveiller. Là, tu prends ça dans la tronche. Voilà. J'espère que t'es bien réveillé là maintenant, hein? Non mais. Voilà, c'est dommage, t'as pas laissé ton prénom, tiens. Voilà, The Wanted arrive maintenant sur Fun Radio avec Glad You Came. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Le son de The Wanted à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil, 6h54 et plein de messages qui arrivent. Brigitte aussi qui nous envoie un message sur le groupe Facebook. Bonjour à toute l'équipe de Fun, vous êtes super. Bisous à tous. Bah salut à toi et merci Brigitte pour le message, ça fait plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook ou sur le Twitter de l'émission. Vous tapez Mickaël _ officiel. Dans un instant, c'est Mister You qui arrive pendant que Toff est en train de faire quoi avec Julie d'ailleurs. J'essaie de lui faire des avances mais ça ne marche pas. Ouais, mais il est dingue. Effectivement, ça n'a pas l'air de bien fonctionner, ouais. Donc Mister You et Colonel Rayel dans un instant avec mets-toi à l'aise. Et puis on va faire chier du monde, Toff, ce matin. Non, ce matin c'est moi qui vais chier chez les gens. C'est-à-dire? Bah en fait on a failli passer à côté, mais samedi c'était la journée des toilettes. Mais oui. Ah mais quelle belle journée. Mais oui. Mais oui, fallait pas. Il faut pas rater ça dans la journée des toilettes. J'ai failli passer à côté, mais heureusement j'ai eu un rappel sur mon ordinateur. Ah oui, bah oui, parce qu'il a des rappels sur son ordinateur un peu particulier, hein, mais bon, très bien. Voilà. Bon. Et donc du coup je me suis dit bah il fallait en profiter pour aller utiliser les toilettes des gens en tant qu'affaire, autant salir les leurs plutôt que les tiennes. Bah forcément, surtout, ouais, très bien. Autant leur faire profiter de l'odeur, quoi. Évidemment. Bon, on va à Fontaine-l'Évêque. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On appelle à Fontaine-l'Évêque maintenant à 6h55 sur Fun. Ils ont l'habitude avec le fromage là-bas. Oui, oui. Non, on va pas être dérangé, je pense pas. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que samedi c'était la journée des toilettes. Les toilettes. Oui, les toilettes. Et je voulais savoir si c'était possible que je vienne chier chez vous. Monsieur, je ne fais pas, je n'ai pas besoin de toilettes, moi. Non, mais vous en avez. Non, je n'ai pas de toilettes. Et vous faites comment alors? Je fais ma toilette moi-même, hein. Bah, oui, mais je voulais savoir si je pouvais utiliser les vôtres. C'est quoi? Si je pouvais utiliser vos toilettes. La toilette? Oui. Où est-ce que vous êtes? Bah, je suis pas loin, donc je me disais que peut-être je pouvais venir chier un petit bronze chez vous, quoi. Non, monsieur, parce que je suis trop occupée, c'est pas possible, monsieur, je suis quelqu'un d'autre. À celle-ci, je n'ouvrirai personne. Ah oui, mais enfin bon, vous allez pas me laisser, vous allez pas me laisser comme ça avec la crotte au cul. Ah oui, maman, je... non, monsieur, non. Non, genre, elle est trop occupée, tu sais, à 6h57. Bah non, monsieur, ah bah non, non, j'aurai personne à cette heure-ci. Complètement contre, ouais. C'est juste qu'à cette heure-ci, c'est pas possible. C'est ça, en fait. Non, mais c'est trop tôt. Elle est trop occupée. Bon, allez, restez sur Fun Radio, 6h57. Dans un instant, le rappel de la devinette qui colle. Et Mister You maintenant avec Colonel Rayel. Mets-toi à l'aise, bah faites pareil. Mets-toi à l'aise. Mister You sur Fun Radio, Colonel Rayel également avec Mets-toi à l'aise, restez là aussi. David Guetta arrive avec Usher, ce sera Without You. Et je vous rappelle avant l'info de Julie, la petite devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats ce matin ou vos smartphones, c'est les Sony Ericsson, les Xperia qu'on a à vous offrir ce matin. Pour soi facile, une petite réponse à la question qui colle. Allez, attention, blanc il peut être pour une classe désignée, ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Voilà, si vous avez la bonne réponse, on propose un nœud de papillon. Non, c'est pas ça, ce n'est pas une cravate non plus, ce n'est pas un papillon tout court non plus, si vous avez la bonne réponse. Ça peut s'appeler également un truc quand on est à l'école par exemple, qu'on veut mettre deux feuilles ensemble, à ce moment-là on en a un bâton. Un bâton de. Tu peux me passer de la prite par exemple. Ah, c'est un d'accord. Bâton de. Voilà. Ah oui, oh là là, non mais oui. Okay. Bah oui, voilà, un bâton de. Voilà. Donc si vous voulez, ça se trouve également sur un vêtement que les hommes d'affaires mettent souvent par exemple, ou les serveurs. Mais toi, tu sais pas ce que c'est, hein. Ou Elvis Presley. Non mais j'en ai, hein, mais je les mets pas. Je les mets dans les grandes occasions, donc. Pas, bah, pas bon quand je vais le matin, quoi. Oh, bah attends. Je vais venir en chemise si tu veux, occasion, un de ces quatre, hein. Venir ah bon le matin. Ouais, je sais pas, tu laisses pas réfléchir. Bah non, toujours pas, non. David Guetta arrive dans un instant comme premier avec Usher, ce sera Without You. Et à 7h01, on a un peu la bourre. On passe maintenant à l'info avec Julie. Et on rappelle, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bien évidemment, c'est un euro le message. On vous appelle dans quelques minutes. Allez, c'est parti pour l'info. Bonjour à tous. Le roi tient sa décision en suspens. Elio Di Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi va consulter aujourd'hui et demain avant de donner sa réponse. Hier, les événements se sont bousculés après que la réunion de la dernière chance entre les négociateurs a échoué. Alors que le formateur filait vers la résidence du roi sans faire de commentaires, le nouveau président du CDH, Benoît Lugène, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux, se disaient choqués, eux aussi, cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à la sortie du Parlement dès l'arrivée de Di Rupo. Après plus de 500 jours de négociations, quelles sont les options du roi Albert II? Faire pression sur les négociateurs et relancer Elio Di Rupo, ou alors nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre, ou encore former une autre coalition, ou bien des élections anticipées. Avec l'échec d'un accord sur le budget 2012, la Belgique est désormais menacée de se retrouver dans le collimateur de l'Europe et des marchés financiers. Après le lancement d'une proposition de sanctions, un terme de 30 jours est prévu, lors duquel la Belgique peut rencontrer les recommandations budgétaires de la Commission. Si le pays ne respecte pas la procédure, alors l'amende peut être effective d'ici la mi-janvier. Une amende qui s'élève jusqu'à 700 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, premier jour du procès pour le meurtre de la jeune Sadia, cette jeune fille de 20 ans tuée par son frère parce qu'elle refusait un mariage forcé. Moudassar, son frère, a révélé qu'il avait également voulu tuer son autre consœur Saridja, ce qui pourrait changer la donne. Actuellement, Saridja est aux côtés de son frère et de ses parents dans le box des accusés. Le tribunal civil de Bruxelles a débouté 23 victimes du Sauve-Thénon. Pour la justice, les faits sont prescrits. Les victimes estimaient que l'État ne s'était pas comporté de manière prudente en laissant sur le marché ce médicament allemand. Les victimes exigeaient 1 million d'euros chacune. Elles ont décidé d'interjeter appel. À Molenbeek, une femme âgée de 40 ans a été tuée d'une dizaine de coups de couteau. Avenue du Sippelberg, son ex-mari a avoué les faits. Il s'est rendu à la police. Une dispute conjugale serait à l'origine du drame. L'homme se serait acharné sur son ex-épouse en apprenant qu'elle avait dénoncé leur mariage blanc. Et puis en Égypte, déjà 23 morts depuis le début des violences, surtout sur la place Tahrir au Caire. Le gouvernement a finalement présenté sa démission au Conseil suprême des forces armées au pouvoir depuis le départ du président Hosni Moubarak en février. Démission refusée par les forces armées. Et puis enfin au chapitre sportif, la FIFA l'a officialisé. Mehmet Chité, l'attaquant du Standard, ne jouera jamais pour les Diables. Il est 7h04 sur Fun Radio. Passons maintenant à la météo. Quel temps pour aujourd'hui? Eh bien, les courants d'air seront un peu plus humides et la grisaille matinale sera plus lente à se lever, voire persistante par endroits. Maxima de 11 à 14 degrés. Demain, une perturbation traversera le pays et on va pouvoir sortir les parapluies par endroits. Ça faisait longtemps, tiens. Il y a David Guetta qui arrive avec Usher. Ce sera Without You sur Fun Radio. Et puis, on va vous rembourser vos factures. Je vous explique comment ça va se passer dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h05 sur Fun Radio, l'explication pour vous faire rembourser vos factures, un jeu d'enfant. Il suffit simplement de nous envoyer un petit message au 6322 maintenant. C'est 1 euro le message. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et peut-être qu'on vous appellera d'ici quelques minutes, dans 4 minutes pour être précis, pour vous rembourser votre facture. Pour bien commencer la journée, ça peut être bien, tiens. Comme là, par exemple, il y a quoi aussi 59 € pour l'antivirus de mon ordinateur, 92 € pour le service vous, 200 € pour l'eau, il y a également 119 € pour une Ice Swatch, 30 € pour Internet, 15 € pour Mobile Vikings, 106 € pour la taxe poubelle. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle dans quelques minutes, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Quelle est l'info en plus, Julie? Eh bien, je ne sais pas si tu te rappelles de Karl Rabeder, un homme d'affaires autrichien qui avait décidé l'année dernière de se débarrasser de son immense fortune parce qu'il voulait vivre avec très peu d'argent, parce qu'il pensait qu'on pouvait vivre plus heureux. Un débile. Et donc il vit avec 1000 euros par mois aujourd'hui. Mais il est complètement con, lui. C'est-à-dire que tout le monde voudrait, ceux qui sont à 1000 euros par mois voudraient avoir plus, l'autre il a plus, il veut moins. Oui, exactement. Et donc il avait expliqué à l'époque qu'avec sa femme, il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Il avait une luxueuse maison, une entreprise de décoration intérieure très lucrative. Enfin, il pouvait acheter absolument tout ce qu'il voulait. Il pouvait voyager dans tous les endroits qu'il désirait. Et il s'est rendu compte avec sa femme que les rapports avec les gens n'étaient pas tout à fait francs et honnêtes. Ouais. Et donc, il avait décidé de balancer toute sa fortune, de s'en débarrasser, donc de ses millions d'euros, et de vivre avec 1000 euros par mois. Et bien maintenant, j'en reparle parce qu'il a accordé un an plus tard, donc maintenant on est un an plus tard, une interview à un journal allemand, et il explique qu'aujourd'hui, il vit dans une maisonnette en bois et qu'il n'a jamais été aussi heureux. Ah ouais, de vivre avec trois fois rien, que ça lui apporte bien plus de bonheur que ce à quoi encore il s'attendait, et que donc effectivement l'argent rend heureux un premier temps, dans les premières semaines, les premiers mois tu en profites comme jamais évidemment, mais qu'après en fait c'est vraiment vraiment pas ça qui peut te rendre heureux du monde. Faut dire ça donc, à tous les pauvres. Bah, oui, voilà. En fait vous êtes heureux, arrêtez de nous emmerder, hein, vous n'avez pas un rond, mais c'est bien, mais bon, vous c'est êtes bien. Plus heureux que nous. C'est bien d'un an plus tard de se rendre compte, est-ce que le gars il a gardé ses belles idées très utopiques? Eh bien oui, il vit dans une petite maison en bois, c'est beau. Avec 1000 euros par mois et il est très heureux comme ça. C'est beau. Et bah justement, dans un instant, puisque l'argent fait pas le bonheur, on vous remboursera pas vos factures. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, un petit peu d'argent, c'est bien ça. On fait ça dans un instant, le remboursement après le David Guetta. David Guetta à l'instant sur Fun Radio, et il y a Likili qui arrive. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais avant cela, évidemment, chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10, on vous appelle pour vous rembourser vos factures, évidemment. Pour ce faire, c'est facile, un petit SMS au 6322 en mettant le mot facture en début de message, je vais y arriver. Ensuite, vous mettez le montant, ensuite vous mettez l'objet. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, tous les matins, on vous appelle à 7h10, 8h10 et 9h10 pour vous rembourser vos factures. 100 € pour une amende de la Steve. Bah oui, mais il vaut mieux payer avant, hein. 67,50 € pour l'électricité, 49 € pour un abonnement de bus, 59 € pour l'antivirus, 92 € pour vous, 98 € également, mais je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Allez, c'est parti. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit justement. Il y avait aussi 15 € pour Mobile Viking. Wings. Et là, je ne sais pas combien on va rembourser, mais on appelle maintenant. Allez, hop là. Du moins, si ça fonctionne. Voilà, déjà ça sonne. Déjà la bonne nouvelle. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? Mickaël, sur Fun Radio. Mais oui, mais évidemment, quelle bonne réponse qui te permet de repartir avec le remboursement de ta facture. 30 euros si je ne m'abuse, c'est bien ça ? C'est bien ça. Eh ben voilà, 30 euros, c'est pour l'internet si mes souvenirs sont bons ? C'est ça, c'est ça. Et ben voilà, 30 euros pour le remboursement de la facture internet. Ça fait toujours plaisir, hein, à 7h10 comme ça. Hop là, une petite bonne nouvelle, hein, ça fait toujours plaisir. Comment tu t'appelles au fait ? Olivier. Eh ben voilà, Olivier, 30 euros, on va te rembourser ça, il n'y a pas de problème. Et comme Astrid l'a dit, a laissé un message sur le groupe Facebook, elle a gagné vendredi et ce matin, elle avait déjà son argent sur son compte en banque, alors qu'il y a le week-end au milieu. Donc ça veut dire que tu peux avoir l'oseille demain, voire après-demain, si tu nous envoies tout ce qu'il faut, évidemment. C'est-à-dire juste la copie de ta facture, en fait. Eh ben écoute, Olivier, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer tes 30 euros comme promis, d'accord ? Merci, Fun Radio. Ben je t'en prie, à bientôt. Au revoir. Salut Olivier. Et si vous voulez faire comme Olivier justement, c'est-à-dire vous faire rembourser votre facture, eh bien il suffit simplement de nous envoyer le petit message 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, nous allons donner la réponse également à la devinette qui colle. On aura aussi bien entendu l'horoscope avec Doudou et le son de Likili. Je vous l'avais promis ça. Likili avec I Follow River, c'est un son que vous avez découvert il y a plusieurs semaines sur Fun Radio et depuis il passe partout. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Likili sur Fun Radio, I Follow Rivers. Dans un instant, c'est l'horoscope et je vous rappelle avant cela, évidemment, la devinette qui colle. Blanc, il peut être pour une classe désignée ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Qu'est-ce que c'est ? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, on proposait un œillet, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas un bâton de colle, bien que la réponse soit à peu près dans cette réponse-là, justement, mais ce n'est pas la bonne réponse. 63-22 pour gagner vos écrans plats ou vos téléphones, vos smartphones Sony Xperia. Allez, c'est parti maintenant pour l'horoscope de Doudou. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Allez, c'est parti, l'horoscope. Oh, vous avez vu ? Quoi ? Ah bah, je vous l'avais dit, hein, pour le gouvernement. Ah quoi, qu'on n'en aurait pas pour Noël ? Eh oui, c'est ça, Doudou, il se trompe jamais. Ouais, enfin, faudrait quand même qu'on y arrive à un moment là, hein. Ah mais oui, ne vous inquiétez pas, hein, quand vous serez présidé par Sarkozy, il n'y aura plus de problème. Ah, il faut pas dire ça, Doudou. Ah bah, il y a un moment, va falloir se faire à l'idée, hein, quand même. Ouais. Bon, bah, on va profiter d'un des derniers horoscopes belges, alors. Hein. Allez, oui, voilà. Les béliers. Vous voyez, ça commence à vous entrer. C'est ça. Les béliers. Ah. Alors, aujourd'hui, vous voulez tout et tout de suite, mais vous avez tendance à demander trop à votre entourage. Les taureaux. Ça vous posera des problèmes si vous ne travaillez pas de façon concentrée, en vous laissant distraire facilement. Les gémeaux. Défendez avec courage votre point de vue. Votre travail va bientôt porter ses fruits. Les cancers. Réfléchissez encore une fois à vos grosses dépenses. Mettez vos comptes par écrit, vous avez été trop généreux ces derniers temps. Les lions. C'est une journée pour renouer avec d'anciennes amitiés. Les vierges. Respirez profondément dans le calme. Dans le calme se puise la force qu'il vous manque en ce moment. D'accord, les balances. Ne vous laissez pas dissuader d'abandonner vos idées. Réfléchissez aux propositions dans le calme. Les scorpions. Ne laissez pas votre porte-monnaie vide vous gâcher cette journée. Les sagittaires. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Les capricornes. Aujourd'hui, vous exercez une grande attirance sur le sexe opposé. Les verseaux. Prenez un bon bol d'air pour vous libérer l'esprit et renforcer vos défenses naturelles. Et pour terminer, les poissons. Vous allez connaître des réussites financière, mais lisez les clauses écrites en petit avant de signer. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, et dans un instant, on aura aussi les meilleurs moments de L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, cette magnifique et grande émission, justement. On aura aussi le son de DJ Joss, mais avant cela, la réponse à la devinette qui colle. Pour ce faire, il y a Anthony qui est avec nous. Salut Anthony. Salut, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, vous ? Bah oui, ça va bien aussi, Anthony, tranquille. Alors, t'appelles de Marchin, toi, et tu as la réponse à la devinette qui colle. Attention, oui. Je la répète. Blanc, il peut être pour une classe désignée, ou vert comme sa tête, pouvant même voler. Qui est-il ? C'est un col. Eh oui, et pas une épingle, comme on vient juste à l'instant d'envoyer. Ce n'est pas la bonne réponse, l'épingle. Et c'est effectivement un col, bravo à toi. Eh ben, merci. Tu choisis le cadeau que tu veux. Sony Xperia, c'est le smartphone ou l'écran plat ? Un écran plat. Eh ben c'est parti, il n'y a pas de problème, on va te renvoyer chez Lobo Standard. Et puis on va prendre tes coordonnées et t'envoyer tout ça rapidement, d'accord ? Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Au revoir. Ciao à toi, Anthony. Bon, ben voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans quelques instants, nouvelle devinette qui colle pour repartir avec de nouveaux écrans plats ou de nouveaux smartphones Sony Xperia. 7h19 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, l'amour est dans le pré. Oh oui. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Mais avec plaisir. Écoute, on va te retrouver dans quelques instants. On écoute DJ Just maintenant. C'est I Want You sur Fun Radio. Bon réveil. Le son de DJ Just à l'instant sur Fun Radio avec I Want You, 7h21. Dans un instant, on parlera de l'amour et dans le pré, donc restez bien avec nous. Et attention, nouvelle devinette qui colle maintenant pour passer à la suite. On peut la sauter pour tester ses limites, ses franchir qu'il faudrait. Qui est-elle ? Évidemment, quand on roule, il vaut mieux éviter de lui passer dessus. Pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faut faire, justement. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner ou des smartphones Sony Xperia. Je répète une dernière fois, pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudrait. Qui est-elle? Voilà, et quand on roule, évidemment, bon, quand elle est... discontinue, ça va, on peut passer, mais sinon c'est un peu tendu. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance. Et puis sans attendre, sans perdre de temps, on va s'écouter le son de Jojo maintenant avec Leave Get Out. Et juste après, promis, ce sera l'amour est dans le pré, les pires moments. Le son de Jojo sur Fun Radio à 7h26. Et restez là aussi car il y aura DJ Antoine dans pas longtemps avec Tom Dice. Ce sera Sunlight. Il y aura l'info aussi qui va débarquer. Ce sera avec Julie sur Fun Radio. Donc restez bien là, bien entendu, comme chaque matin. Et puis, on va vous rembourser vos factures aussi tout à l'heure. Si vous voulez qu'on vous les rembourse, facile. 63-22 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On fait ça d'ici une petite demi-heure. Et puis, on va se faire également l'amour est dans le pré dans quelques instants. Les pires moments d'hier ou les meilleurs moments assez, d'hier. Assez gros dossier. Bah, c'était du lourd. Hein. C'était du très très lourd, je vous le dis. Après, j'ai maté un peu sur Facebook les commentaires des gens. Ils se sont acharnés sur la Geneviève. Geneviève, mais quelle conne, putain. Ouais. Ça, t'as mais envie de lui mettre des claques, sans déconner. Quoi. Oui, c'est vrai, mais les gens sont méchants. Mais attends, mais elle aussi. Oui, attends, oui, tu rigoles ou quoi? Oui, c'est vraiment. Elle a quand même gratuit, quoi. Deux, trois trucs à Marc assez violents. C'est le mec, en plus, il a l'air cool. Il a pas l'air fufu, mais il a l'air cool. Moi, non, le petit Marc, là, moi, j'avais un petit coup de cœur pour lui avec sa petite moustache. Surtout que ça fait craquer Julie hein, quand elle voit des gens comme ça habillés en short avec des sandales et des chaussettes. Oui, bien sûr. Oh, elle kiffe, elle adore. C'est vrai, Marc n'avait pas vraiment le style. Mais elle surkiffe. C'était un gentil fermier et c'est la Geneviève, elle a été assez sorcière. Franchement, dégueulasse quoi. Bon, je vous rappelle la devinette qui colle avant de parler justement de l'amour et dans le pré. Restez bien là. Pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudrait. Et évidemment, il ne faut pas le faire quand elle n'est pas discontinue justement. Quand vous êtes en voiture, on proposait la limite, c'est Alex. Non, pas du tout. La vitesse, c'est Stéphanie. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Franchir le pas n'est pas la bonne réponse. Une étape, c'est pas la bonne réponse non plus d'ailleurs. Hein. La bande n'est pas la bonne réponse. La barrière n'est pas la bonne réponse. Et vous n'êtes pas forcément tous dans le bon. On va dire ça comme ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, en tout cas, il y a un écran plat à vous offrir ou un smartphone Sony Xperia. Bonne chance tout le monde. Ça se passe au 63-22. C'est 1€ le message. Je répète, pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudrait. Qui est-elle? Bonne chance! L'info de Julie arrive dans un instant. Et avant ça, on écoutera, enfin après l'info plutôt, on écoutera le son de DJ Antoine avec Sunlight. Et ce n'est pas la corde, ni la corte, parce que la corte, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Allez, l'info, c'est parti. Et Dieu sait qu'il y a de l'info. Oh là là, il y a de l'info. 7h28, c'est pour ça on démarre un peu plus tôt, comme ça elle a plus de temps. C'est l'info maintenant avec July. Bonjour à tous. Le roi tient sa décision en suspens. Elio Di Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi va consulter aujourd'hui et demain avant de donner sa réponse. Hier, les événements se sont bousculés après que la réunion de la dernière chance, une de plus, entre les négociateurs a échoué, alors que le formateur filait vers la résidence du roi sans faire de commentaires. Le nouveau président du CDH, Benoît Lugen, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux, se disaient aussi choqués, cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à la sortie du Parlement dès l'arrivée des lieux Di Rupo. Après plus de 500 jours de négociations, quelles sont les options du roi Albert II? Eh bien, il peut faire pression sur les négociateurs Victor et relancer Elodie Roupaud, ou alors nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre, ou alors former une autre coalition, ou encore des élections anticipées. Avec l'échec d'un accord sur le budget 2012, la Belgique est désormais menacée de se trouver dans le collimateur de l'Europe et des marchés financiers. L'Europe a menacé notre pays de sanctions si des mesures n'étaient pas prises d'ici la mi-décembre. Sinon, la Belgique risque une amende allant jusqu'à 700 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, premier jour du procès pour le meurtre de la jeune Sadia, cette jeune fille de 20 ans tuée par son frère parce qu'elle refusait un mariage forcé. Moudassar, son frère, a révélé qu'il avait également voulu tuer son autre sœur, Saridja, ce qui pourrait changer la donne. Actuellement, oui, Saridja est aux côtés de son frère et de ses parents dans le box des accusés. Le tribunal civil de Bruxelles a débouté 23 victimes du Sauveténon. Pour la justice, les faits sont prescrits. Les victimes estimaient que l'État ne s'était pas comporté de manière prudente en laissant sur le marché ce médicament allemand. Les victimes exigeaient 1 million d'euros chacune. Elles ont décidé d'interjeter appel. Vendredi, une jeune fille de 13 ans a été agressée à proximité du centre sportif de Neder-Overenbeek. C'est la députée bruxelloise Viviane Teltelbaum qui dénonce les faits dans un communiqué. L'adolescente a été agressée par d'autres jeunes filles qui l'ont insultée sur ses origines juives. Au-delà des faits, la députée se dit aussi choquée de voir que cette information n'a, selon elle, pas trouvé écho dans la presse et les sites d'actualité. Et puis en Égypte, déjà 23 morts depuis le début des violences, surtout sur la place Tahrir au Caire. Le gouvernement a finalement présenté sa démission au Conseil suprême des forces armées, au pouvoir depuis le départ du président Hosni Moubarak en février. Démission refusée par les forces armées. Et puis enfin, au chapitre sportif, la FIFA l'a officialisé. Mehmet Chité, l'attaquant du Standard, ne jouera jamais pour le Diable Rouge. Il est 7h31 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec la météo avant d'écouter DJ Antoine dans un instant aussi et Tom Dice. Et les courants d'air seront un peu plus humides et la grisaille matinale sera plus lente à se lever, voire persistante par endroits. Température de 11 à 14 degrés. Demain, une perturbation traversera le pays et on va pouvoir sortir les parapluies. Ça faisait longtemps, tiens. 7h31 sur Fun Radio, dans quelques instants donc DJ Antoine, je vous l'avais promis. On écoutera aussi la ligne anti-relou, ce sera d'ici 8h moins quart. Et puis bien évidemment, les meilleurs moments de l'amour et dans le pré. Ça va arriver, mais avant cela, évidemment, l'info en plus. L'info en plus, c'est un pasteur du Queens aux États-Unis qui a trouvé le moyen de rendre les services religieux moins rébarbatifs et puis de renforcer le mariage chez ses fidèles. Ouais. En fait, il organise un concours de bisous. Lors de son sermon du dimanche, il demande à 4 couples de s'embrasser pendant 5 minutes devant le reste des fidèles rassemblés. Et à l'issue de cette démonstration d'amour, le public doit voter pour le couple le plus amoureux qui reçoit $50 à dépenser au cours d'une sortie à deux. C'est comme trop c'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Le pasteur, il explique que pour lui, il n'y a rien de mal à afficher son amour en public. Oui, non, dans l'absolu, c'est vrai, il a raison. Voilà, et d'ailleurs, lui-même s'apprête à se marier l'an prochain. Il compte bien appliquer ses propres conseils. D'accord, bah écoute, pourquoi pas, hein, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. Hein. Très jolie idée. C'est vrai, c'est vrai. 7h32 sur Fun Radio, on proposait l'obstacle pour la réponse à la devinette qui colle. Ce n'est pas ça, la barre non plus. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus facile. Une étape, c'est Lysian, c'est pas la bonne réponse. Non plus. Il y a Aurore qui envoie juste son prénom, donc là on ne sait pas ce qu'elle a voulu dire malheureusement, donc c'est dommage. Bonjour Aurore. Oui, bonjour Aurore. Pour passer à la suite, on peut la sauter pour la tester. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudra faire. Et puis il ne faut pas la franchir, surtout pas quand vous roulez et qu'elle est continue. Voilà, donc faut surtout pas la franchir. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais ça vous risque et péril, quoi. En gros, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et comme dit le mec, le moniteur d'auto-école, il faut imaginer que cette chose est un mur. Il ne faut pas la passer. Voilà, c'est le mec de l'auto-école m'a dit. Il m'a pas dit, moi. Ah bon? Tu vois pourquoi tu roules avec une porte complètement défoncée? Non, c'est pas vrai, on me l'a défoncé, c'est pas de ma faute. 63-22 par SMS, si vous avez la bonne réponse, bonne chance. C'est un euro le message. Et DJ Antoine sur Fun Radio. Sur Fun Radio, dans un instant, il y aura le son d'Ina avec Juan Magan et Un Momento. Et alors, il y a un auditeur qui nous a donné un bon indice au final pour la devinette qui colle. Elle peut être également anti-relou. C'est con, mais j'y ai pas pensé pour le c'est coup. C'est vrai. Très bien trouvé. Voilà. Pour passer à la suite, on peut la sauter pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudrait. J'avais dit qu'en voiture, il valait mieux pas la franchir si elle n'était pas discontinue. Voilà. Mais effectivement, elle peut être anti-relou. D'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure. Et souvent, Julie la sniffe. Pas du tout, oh là là, n'importe quoi. Tu l'as dit, nous avons des preuves. C'est ça. Oui. J'ai la preuve, tu l'as dit. C'est une blague, Tom. Bon, allez, L'amour est dans le pré. Hier, on a eu une grande émission, justement. Hein. Grande émission, l'amour n'était évidemment pas dans le pré, mais en vacances. Et c'est là que ça se complique, évidemment, quand il faut passer la barrière de la langue. N'est-ce pas, Mireille? C'est pas toujours facile. Hein. Parfait, la langue. Le français que je préfère. Un peu français. Un peu français, oui, donc. Je comprends. Ok. Je comprends français, je ne sais pas parler un peu. Oui. Voilà, donc là on a compris que le mec il essayait de se débrouiller quoi, il parlait un petit peu français, voilà. Un peu. Donc on va encore essayer hein. Je parle le français. Je comprends parler parfait. Et vous savez pas parler français. L'anglais. OK. Oui. Eh ben en anglais doucement. Oui. Vous pouvez parler, OK? Comme ça. Oui. OK. Eh ben c'est pas gagné cette affaire. C'est la façon dont il dit anglais. Ouais. Parce que anglais, exactement. Mais c'est pas la seule hein, qui galère. Il y a Lionel aussi, le businessman là, qui est pas mal non plus dans son style. Hein. From the from Belgium for the show Farms Hello, and we look for notre chambre. Room for the oui for the room. tout ça pour ça. Il l'a bien fait l'américaine, parce que les américains c'est toujours comme ça quand ils parlent. Les américains ne cherchent pas le mot room quand ils arrivent à l'hôtel. Non, ils cherchent pas le mot room, c'est vrai, j'admets, effectivement. Et alors, s'il y en a qui ont du mal avec la langue, évidemment, il y en a d'autres pour qui c'est plus dur, comme pour Céline, à qui évidemment bah, il manque l'essentiel. Hein. Qu'est-ce qui te manque un peu dans. Un bon steak frites salade, par exemple. Eh oui, voilà. Ah oui, d'accord. Là, elle était quand même à Istanbul. Et tout ce non, à Lisbonne. Elle était à Lisbonne. Ah, pardon, elle était à Lisbonne, au Portugal. Mais bon, en même temps, quand on connaît, évidemment, ses plus grosses vacances, on se demande... Oui. on se dit qu'effectivement, le steak frites est pas loin, quoi. Et toi, t'es partie déjà en vacances? En week-end, mais en vacances, pour dire... si, quand même, une fois. Un week-end à Mons. Et un week-end à Rémich au Luxembourg. Rémich au Luxembourg et à Mons. Tu sais, je pense qu'à un moment, on dit non, je suis jamais parti en vacances, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ta malheureuse, mais dis pas Rémich, quoi. Un Rémich au Luxembourg, quoi, sans déconner. Et puis pour finir, un petit cours d'anglais. Cette fois-ci, c'est avec. Non, on va d'abord parler de Geneviève. Allez, oui, avant Geneviève. Les cours d'anglais, d'abord Geneviève. Donc Geneviève qui est au taquet. Alors on savait déjà que son idéal était très loin d'être Marc. Et ben là, elle le confirme. Hein. Je pense qu'on n'a pas grand chose à faire ensemble. Je ne sais pas, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de... je suis célibataire et puis qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui va me repérer et qui va m'envoyer un courrier. Et encore, là, elle n'a pas été méchante hein, pour le coup. Elle a juste dit que non, voilà, mais... c'était pas son idéal, machin, ouais, etc. Mais bon, enfin, la meuf, elle est quand même là. Bon, alors, écoutez, là, je suis à la télé, j'en profite, écrivez-moi. Oui, c'est ça, je passe moins 11. Envoyez-moi déconner, des quoi. Messages. Mais de toute façon, ça, c'était vraiment une conne, je suis désolé. Non, mais il faut qu'on essaie de la recevoir. Je pense, pense qu'il y a moyen de bien rigoler avec elle. Bon, et pour finir, petit cours d'anglais, donc cette fois-ci avec Mireille. Comment est-ce qu'on dit déjà autre chose en anglais? Under sink. Non, under, c'est en flamand. Other sink. Other, c'est Other, O-T-H-E-R. Ouais, on s'en rend pas compte quand elle le dit, hein, que c'est O-T-H-E-R. Hein. Other thing. Bon, et maintenant vouloir, attention, plus dur. Vouloir. I can, will, je veux, I, je souhaite, I wish. I wish, et maintenant on met évidemment en pratique puisque elle a deviné comment c'était. Hein. I wish other thing. Eh oui. Do you understand? C'est dur, hein. Voilà. C'est dur. Et voilà. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Ouais. Bah comme quoi, en anglais ou en français, ils galèrent dans les deux cas. Donc au final, hein, je pense qu'on est bon là. Bah, en fait, il y avait le plus jeune là qui, j'ai oublié son nom, qui galérait Ben, pas je trop. Pense. Ouais, Ben. Il y a que Ben en fait. Ah, qui celui galère. Qui est au Portugal avec celui qui va steak frites là. Ouais. Ouais, celui-là ça va. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'air triste d'avoir été là avec elle finalement, hein, parce que l'autre elle est chiante quand même. Bah ouais, enfin la nana tout l'a fait chier. J'ai envie de rentrer, j'ai le mal du pays, j'ai envie d'un steak frites, mais casse-toi là. En plus, c'est pas comme si au Portugal il n'y avait pas de steak frites, tu vois, ça existe, hein. C'est pas comme si c'était inexistant. Oui, non, elle était. Oh là là, c'était et l'autre, elle va dans un truc où ils vont chercher une pâtisserie, oui. Là, une pâtisserie portugaise. Ouais. Oh, non, mais ça me fait chier, il y avait trop de monde, ouais. J'aime pas quand il y a trop ça de monde. Les gens me poussaient. Les gens me poussent, j'aime pas quand on me pousse. Oh là là, elle va te faire voir, là, sans déconner. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est Ina qui arrive. Avec Juan Magan et Un Momento. On reviendra aussi avec la anti-relou. Et l'info trafic, bien sûr, restez sur Fun Radio. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. 7h46 sur Fun Radio et bon réveil. C'est mardi aujourd'hui le 22 novembre et quel est l'état, quels sont les... Enfin bref, c'est quoi le problème sur les routes? Je voulais faire une phrase qui change, je me suis dit bon, et puis finalement non, c'est pas bien. Bon, mais alors écoute, c'est quoi les problèmes? Mis à part évidemment les gros ralentissements qui commencent, hein, enfin qui commencent, qui sont déjà bien là bien pour, dedans, aller, ouais. Pour aller vers la capitale, il est quand même déjà 8h moins le quart, non, ça passe très très vite. C'est vrai. Et puis sinon, accident sur le ring d'Anvers en fait, en direction des Pays-Bas, à hauteur de Merksem. Très bien, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, évidemment, si vous êtes dans le problème, si vous êtes, je sais pas moi, si vous avez fait un accident, si vous connaissez, si vous voyez un accident, un bouchon, même un radar qui serait planqué, déjà vous auriez pu prévenir Julie ce matin à 5h30 puisqu'elle s'est fait flasher. Mais sinon, dans l'absolu, si vous avez éventuellement la vue sur un radar, dites-le nous, 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous envoyez un petit mail si vous avez un smartphone, mikael@funradio.be ou encore via Twitter et Facebook, vous tapez Mikael officiel. Et puis on va se faire maintenant la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. Fun Radio. Avant d'écouter Ina dans un instant avec Juan Magan, ce sera Un Momento. On va écouter maintenant les meilleurs messages laissés sur cette anti-relou. Voilà. Bah oui, parce qu'on cherche toujours évidemment la réponse à la devinette qui colle, même si je pense que vous avez deviné cette fois-ci. Bon, alors, les meilleurs messages laissés sur ce numéro, le 0-473-86-00-13. C'est un numéro à retenir par cœur, puisqu'il faut le donner de manière la plus naturelle possible au moindre relou que vous pouvez croiser à un moment ou à un autre. Donc, bah, en gros, c'est pas compliqué. Dès que vous croisez quelqu'un, hop là, un relou, vous dites « Ah bah tiens, je vais te donner mon numéro de téléphone, parce que là, je suis super occupé et tout, j'ai un rendez-vous, on m'attend, mais appelle-moi, je compte sur toi. Hein. » Donc le gars va être content, il se dit « Ça y est, c'est bon, j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone de la fille. Ça a été facile. » Et donc forcément, va appeler et va laisser son message sur cette anti-relou. Bonjour, c'est Maxence, le jardinier qui est venu chez toi. C'est pour dire que t'es trop jolie. Je voudrais venir te voir. Et j'ai le numéro par le patron et il m'a dit que tu vas m'appeler. Oui, une grosse bise, hein. Oh là! Oh, c'est dur quand même! Oh, hein. Il est dur! Ah, c'est très dur! Allez, celui-là, c'est dur! Celui-là, c'est très dur! Bon, deuxième message laissé sur ce numéro anti-relou! Oui, Fabienne, salut, c'est Francis! Ben écoute, je te sonne parce que ça fait un petit moment que j'essaie de te contacter, ça fait 3-4 jours et il n'y a pas moyen, je ne sais pas sur ton répondeur! Non, bon, et si je décide de laisser mon message, ben voilà, écoute, je suis en manque de toi, on a fait l'amour comme des malades, voilà quoi, donc maintenant, plus aucune nouvelle, tu m'as dit que tu allais me recontacter, je suis là comme un petit blaireau en train de t'attendre, je me pose la question, là maintenant je suis en direction de Bruxelles, ben j'espère que tu vas pouvoir me recontacter, Corona ça. Allez, à bientôt. Ah bah oui, mais je pense que tu vas bien attendre hein, pendant un petit bout de temps d'ailleurs. Ça va être très très long. Tu vas la garder très très très long. Tu vas la garder sous le bras, je le sens bien. Et enfin, dernier message pour cette heure-ci. Allô, on m'a dit que tu cherchais des hommes précieux. J'ai envie de toi. Oh. Ah ouais. Arrêtez, arrêtez de laisser des messages comme ça, ça excite Julie là. Oui, ça excite Julie, j'ai envie de toi. Mais oui, évidemment. Du coup, dès qu'elle entend ça, après, elle est toute chose. Hein. Pas du tout, non, mais faut arrêter. Hein. Oh, quelle horreur. Oh, Julie. Mais oui. Oh. Ah, c'est horrible. Ah, bon, allez, arrête ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, ouais, c'est bien, non? Voilà, retour donc de cette anti-relou. Je dis pas le mot parce que c'est le mot qu'on cherche, mais enfin, vous êtes pas stupide, vous avez certainement deviné. Dans quelques instants, on va appeler des gens également. Dans quelques instants, avec Toff aussi, hein, il va essayer d'aller aux toilettes chez eux. Voilà, on peut pas gagner, mais on va tout simplement. C'est vrai. Et les petits messages pour Julie là, avec après Ina et Juan Magaz. J'ai envie de toi. Mais oui. Julie. Ina à l'instant sur Fun Radio avec Juan Magaz en featuring avec voilà Un Momento. C'est, oh, il faut y voir Julie pendant la chanson hein, quand on a mis ça là. Truc de dingue. Ah bah là elle a le téton qui pointe hein. Oh, ça je ne sais pas moi. J'ai failli partir en courant pour aller vomir. 7h53 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Dédiqué qui arrive et ce sera Dédico. Il y aura l'info aussi de Julie. Et puis bah comme tout à l'heure, Toff appelle des gens donc pour leur Bah, tu continues à faire chez Londres, quoi. Non, mais non, non, non. Là, c'est-à-dire que là, je voudrais aller foutre ma merde chez eux. Oui, merci Toff pour ces détails magnifiques. Donc oui, parce que c'était samedi, c'était la journée des toilettes, et donc du coup, bah, tu veux téléphoner aux gens pour voir si tu peux aller chez eux. Bah oui, c'est ça. Je me dis que c'est tellement mieux d'aller chez le voisin. Bah pour, oui. Pour couler un bronze, tu vois. Bah oui, non, mais bien sûr. Bah évidemment, évidemment. Donc on a été tout à l'heure à Fontaine-l'Évêque, on va à Trivières. Voilà, faire profiter de ma bonne odeur matinale. Voilà. Allez, c'est parti. Premier appel maintenant à Trivières. Premier, parce qu'en général, il y en a deux, trois. Hein. Parce que les gens sont pas super open en général. Allô ? Oui, bonjour madame ! Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que samedi, c'était la journée des toilettes. La journée des toilettes ? Oui, la journée des toilettes. Et donc, comme on a failli rater ça, je me demandais si c'était possible que je vienne utiliser les vôtres. Qu'est-ce que c'est comme blague, ça ? Ah non, c'est pas une blague, madame. En fait, je voudrais juste venir chier chez vous. Ah bah voilà, comme ça c'est arrangé, hop là, au bon accueil, bonjour. Ouais, je suis très déçu. Bon, on va la rappeler. Bah oui. Allez. Allô ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, on n'a pas pu définir l'heure à laquelle je pouvais venir chier chez vous. Ah bah voilà, bah, encore non, une fois. Non, ça va pas être possible. Non, non, bah, on va la rappeler encore une fois. Bah, oui, un petit dernier pour la route. Bon, un petit dernier, c'est pour la route, c'est pour nous, ça fait plaisir. Oui. Allez. Oui, écoutez, arrêtez votre blague, parce qu'on va bien faire. Hein. Mais ça n'est pas une blague, madame, je sais pas ce qui se passe, chaque fois que je vous appelle, on est coupé. Écoutez, vous allez chez quelqu'un d'autre pour aller aux toilettes, on n'a pas besoin de venir aux toilettes chez moi. Ben oui, mais vous avez du PQ, vous avez des toilettes, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas venir chez vous. Moi, je vois pas pourquoi vous devez venir chez moi et chez quelqu'un d'autre. Ben oui, mais enfin bon, maintenant que vous êtes là... Écoutez, vos blagues sont un peu en surplus pour l'instant. Hein. Ah ben justement, alors, c'est peut-être le moment de venir... Oui, ah non. Bah oui, de venir vider, non, vider le surplus. Bah oui, c'est ça, mais non, là pour le coup c'est raté. On restera tout à l'heure à 9h-5. Je suis déçu, bah ouais, déçu. Moi j'avais mis tous mes espoirs chez je eux. Je sais, là. Je sais. Dans un instant, on va essayer de sauver la Belgique. J'en dis pas plus, mais avant ça, on écoute le son de Dédiqué maintenant avec Diddy Cool sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 7h55. Daily Cool, c'était Dédiqué sur Fun Radio, il est 7h58, il y a Florida qui arrive aussi dans un instant, ce sera Good Feeling, et puis l'info évidemment de Julie, et puis vous le savez, la formation du gouvernement est encore une fois au point mort, évidemment, Di Rupo a démissionné, il est temps évidemment que ça s'arrête, alors pour que la Belgique puisse enfin avoir un gouvernement, eh bien je propose que vous chantiez avec nous cette magnifique chanson à 7h59, c'est parti. Ça fait plus de 500 jours qu'on a voté. Un accord ils n'ont toujours pas trouvé. Même Di Rupo a dû démissionner. Je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des teubés. Car même une pute, moi j'ai su négocier. Il faut croire qu'ils ne savent pas se parler. Ça me fait chier. Même une question nous ferait pas tant d'effet. Maintenant faut arrêter de déconner. Car là vraiment vous nous les gonflez. Vos salaires faudrait les diminuer. Ou tant qu'il n'y a pas d'accord les supprimer. Dites pas que je suis en train d'abuser. Les libéraux sont des enfoirés. Car si jamais on doit aller voter, je crois qu'ils pourront aller se faire. Mec, je crois que de ce pays je vais me barrer. Pour la Suisse ou bien pour Yaoundé. J'en ai marre d'être taxé. Pour des routes bien souvent endommagées. Didier Renders, moi si son salaire je le lavais, j'en profiterai pour rembourser tous mes PV. Car les caisses de l'État, ceux qui les remplissent, c'est toi et c'est moi. Maintenant faut arrêter de déconner. Rue de la loi, faut vous enfermer. En vous apportant que dans la bouffée, ça vous permettrait peut-être de vous grouiller. Car 500 jours, faut pas abuser. Car même l'Irak, elle nous a niqué. Au final, je plains vraiment sa majesté. Dommage qu'il peut pas tous les déglinguer. Voilà, sur le nouvel hymne de... Ce sera le nouvel hymne dorénavant. C'est bon, ça. Eh oui, c'est bon, on va le remettre tout à l'heure, quel d'ailleurs. Quel talent, l'homme. Eh oui, quel talent, quel merci. Talent. C'est le talent. 8h sur Fun Radio, c'est Florida qu'on écoute dans un instant. Mais avant cela, évidemment, toute cette actu qui pleut sur les épaules de Julie. C'est l'info maintenant à 8h pile. Bonjour à tous, le roi va commencer ses consultations à 10h et consultera également demain. Elio Di Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi tient sa décision en suspens. Hier, les événements se sont bousculés après que la réunion de la dernière chance entre les négociateurs a échoué. Alors que le formateur filait vers la résidence du roi sans faire de commentaires, le le nouveau président du CDH, Benoît Lutgen, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux, se disaient choqués, eux aussi, cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à la sortie du Parlement dès l'arrivée de Di Rupo. Après plus de 500 jours de négociations, quelles sont les options maintenant du roi Albert II ? Eh bien, il peut faire pression sur les négociateurs et relancer Elio Di Rupo. Il peut nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre. Il peut former une autre coalition ou alors il peut réclamer des élections anticipées. Avec l'échec d'un accord sur le budget 2012, la Belgique est désormais menacée de se trouver dans le collimateur de l'Europe et des marchés financiers. L'Europe a menacé notre pays de sanctions si des mesures n'étaient pas prises d'ici la mi-décembre. Eh bien sinon, la Belgique risque une amende allant jusqu'à 700 millions d'euros. Oh bah on est plus à ça maintenant. Dans le reste de l'actualité, premier jour du procès pour le meurtre de la jeune Sadia. Cette jeune fille de 20 ans tuée par son frère parce qu'elle refusait un mariage forcé. Moudassar, son frère, a révélé hier qu'il avait également voulu tuer son autre sœur, Saridja. Ce qui pourrait changer la donne, eh bien oui, actuellement, Saridja est aux côtés de son frère et de ses parents dans le box des accusés. Vendredi, une jeune fille de 13 ans a été agressée à proximité du centre sportif de Neder-Overenbeek. C'est la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum qui dénonce les faits dans un communiqué. L'adolescente a été agressée par d'autres jeunes filles qui l'ont insultée sur ses origines juives. Au-delà des faits, la députée se dit aussi choquée de voir que cette information n'a selon elle pas trouvé écho dans la presse et les sites d'actualité. À Tournai, toujours pas d'ouverture tardive pour les cafés. Les cafés tournaisiens devront fermer plus tôt le week-end pendant encore au moins 2 semaines. Le conseil communal de Tournai a ratifié hier soir l'ordonnance du bourgmestre concernant la fermeture des cafés à 1h du matin en semaine et à 3h les week-ends dans certains cafés, prolongée jusqu'au 11 décembre. Cette décision fait suite aux violentes bagarres du début du mois de novembre au centre-ville. Un membre de MSF Belgique a été blessé par balle en République démocratique du Congo. 8 hommes armés en tenue militaire ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi une base de MSF Belgique à Massy. 6 centres, un membre de Médecins Sans Frontières a été blessé par balle. En conséquence, l'Organisation mondiale suspend une partie de ses activités dans cette zone. Et puis en Égypte, déjà 23 morts depuis le début des violences, surtout sur la place Tahrir au Caire. Le gouvernement a finalement présenté sa démission au Conseil suprême des forces armées et qui a refusé cette démission. Et puis enfin, chapitre sportif, la FIFA l'a officialisé. Mehmet Chité, l'attaquant du Standard, ne jouera pas pour les Diables Rouges. Et restez là dans un instant, c'est Florida qui arrive avec Good Feeling sur Fun Radio. Et l'info météo maintenant, quel temps pour aujourd'hui? Les courants d'air seront un petit peu plus humides. La grisaille matinale sera plus lente à s'élever, voire persistante par endroits. Température de 11 à 14 degrés. Demain, une perturbation traversera le pays. On va pouvoir sortir les parapluies. Ça faisait un bail. 8h04. Dans un instant, je vous explique comment faire pour vous rembourser vos factures. Enfin, pour vous faire rembourser vos factures, car on appelle chez vous peut-être dans 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. 8h05 sur Fun Radio. Comment faire pour vous faire rembourser vos factures? C'est simple, il suffit de nous faire un petit message au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture tout simplement. Et si vous êtes appelé dans quelques minutes, et bien dans 4 minutes pour être précis, et bien on vous remboursera vos factures. 6322 code facture, comme par exemple là 100 € pour un procès, voilà, très bien. Des frais de pension, c'est Virginie, mais on n'a pas le montant. 92 € pour vous, 127 € pour internet, 71 € pour Proximus, 105 € pour le vétérinaire, qu'est-ce qu'il y a également, 15 € pour Mobile Vikings. Bref, si vous aussi vous voulez avoir une chance de vous faire rembourser votre facture, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Tiens, il y a un message qui dit: tous rue de la loi en force, mais sans casse, juste les garder enfermés jusqu'à ils trouvent une solution. Pas envie d'être français, je suis belge et veux le rester, c'est Ballot de Bruxelles, voilà, qui avait proposé sa solution. Bon, quelle est l'info en plus? Eh bien l'info en plus va peut-être plaire à certaines personnes. On vient d'apprendre que les radars automatiques proche d'un opérateur. Ça va intéresser une meuf que je connais qui fait les infos lisent pas correctement les plaques d'immatriculation la nuit. En fait, ils sont pas performants la nuit quand regardez tu flashes le sourire, nos voitures. Par contre, s'ils se trouvent à proximité d'un éclairage public, eh bien là ils liraient facilement les plaques minéralogiques. Oui. Donc c'est selon un rapport de police qui a été publié en juillet 2010. Il y a des tests qui ont été pratiqués donc par la police. Voilà. Sur des forcément en flash champ des véhicules et ils se sont rendus compte que la nuit, en fait, les radars flashaient pas super bien, voilà. Puisque les plaques étaient prises en photo de manière un peu floue. Voilà, Julie va immédiatement faire marche arrière pour voir s'il y avait un lampadaire au-dessus du radar. Par contre, si le radar est en dessous d'un éclairage public, là, par contre, il lit très très bien votre plaque. Ah, oui. Et les radars placés au-dessus d'un pont sont aussi toujours aussi efficaces. Et alors, dans l'article, ils expliquent aussi que ce sont les plaques jaunes avec des lettres noires qui offrent la meilleure visibilité pour les radars. Et à l'époque, quand Étienne Scoop, secrétaire d'État à la mobilité, devait choisir un nouveau modèle de plaque, eh bien, il a choisi le fond blanc avec des lettres rouges qui, en fait, donne le plus mauvais résultat. Bah, donc mieux. Moi, je dis merci à Étienne Scoop. Bah, tant mieux. On vous tiendra au courant pour savoir si le flash de Julie était sous un lampadaire ou pas. Hein. Mais moi, je sais qu'il l'était, donc. Ah oui, bah c'est mort, alors tant pis. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Ça m'a coûté bien cher, alors. Ouais. Bon, 8h07 sur Fun Radio. On va s'écouter le son de Florida avec Good Feeling. Et juste après, promis, on vous appelle pour vous rembourser vos factures. 6322, code facture. Bonne chance pour les inscriptions. 8h09 sur Fun Radio, nous allons payer les factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. 8h10, voilà, c'est parti. Tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle chez vous pour vous rembourser, comme d'habitude, vos factures. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit simplement de nous envoyer un petit message au 63 22 en démarrant le message par facture, tout simplement avec le montant et l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle en live and direct pour vous rembourser votre facture, justement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc, alors, que je choisis. Qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre celui-là, tiens, c'est drôle celui-là. Celui-là, il est drôle. C'est quand même très, très triste de s'inscrire pour se faire rembourser ça, mais on va l'appeler, vous allez voir. Voilà, hop là, c'est parti. Composition live and direct du numéro de téléphone. Il vient d'arriver le message en plus. Hein. Si il ou elle décroche, bien sûr, et qu'elle répond bien à la question, c'est gagné. Allô? Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? C'est Fun Radio. Mais oui. Ah oui. Et à 8h11, on va te rembourser ta facture. Mais alors, une facture de ouf, hein. C'est-à-dire, attention, attention. Qu'est-ce que tu as acheté? Des pantoufles. Voilà. Et donc, ah, tu joues une bonne paire de Charentaises. Et, ouais, mais, et donc, tu joues pour. Alors, est-ce que t'as acheté des pantoufles? Tu sais, les gens, les moches pantoufles, tu sais, avec une espèce de nounours devant, là, t'as l'impression d'avoir des sabots. J'adorais ça quand j'étais petite, moi. Ah ouais, bah oui, mais enfin, bon, non, c'est passé. C'est les boots, les grosses boots qu'on voit maintenant pour les cocooning. Ouais, tu sais, avec des espèces de têtes de chien comme ça, avec les grosses oreilles sur le côté. D'accord, ok. En fausse fourrure. Okay. Mais oui, l'espèce de bottes qui sont fourrées, mais elle a bien raison, c'est méga chaud. Mais elle a raison. D'ailleurs, Julie en a. Ben oui, j'en ai. Oui, mais évidemment. Bon, comment tu t'appelles au fait, toi? T'es dans quelle ville? Je m'appelle Christelle, ouais. Et je suis de Charneux, près de Jalais. D'accord, eh ben écoute, on va te rembourser ta facture, il n'y a pas de problème, je te renvoie chez l'Aube au standard et on t'explique tout comment ça marche, d'accord? C'est gentil, à grand merci. Je te fais des gros bisous, à bientôt, bonne journée à toi merci, aussi. Bisous, au revoir. Et ben voilà, les pantoufles sont remboursées, donc là pourquoi pas. Et puis si vous aussi voulez faire comme Christelle justement, et comme Olivier tout à l'heure, vous faire rembourser votre facture, c'est à 9h10 que ça se passe, le dernier encart, au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Déjà bonne chance. On va revenir dans une toute petite minute avec le son de Rihanna et Calvin Harris. Ça va revenir dans un instant sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. J'ai envie de toi. Oui. C'est Julie. Fun Radio. Oh là là, et Doudou aussi d'ailleurs, ça lui fait quelque chose. Hein. Ah oui, là, moi ça me donne des envies. Ah, là, tout de suite, oh là là, je regarde Julie différemment. Bah ça c'est clair. Doudou, je suis sûr que ça va vous intéresser là, je trouvais quelque chose. Ah vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh ben c'est en Californie, ils font un topless day. Un topless day? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, c'est une manifestation pour pouvoir aller topless à la plage. Ah mais oui, je suis d'accord, moi je vais les soutenir tout de suite. Hein. Bah oui, bien topless sûr. Topless soutenir, on n'en doute pas. Ah oui, d'accord, ok, topless soutenir, oui. Ouais, bon, très bien. J'avais fait un petit point d'humour. Allez, faites plutôt horoscope. Les béliers. Ah, les béliers, pardon. Alors aujourd'hui, vous voulez tout et tout de suite, mais vous avez tendance à trop demander à votre entourage. Les taureaux. Ça vous posera des problèmes si vous travaillez de façon peu concentrée et en plus en vous laissant distraire facilement. Les Gémeaux. Défendez avec courage votre point de vue, votre travail portera ses fruits. Les Cancers, comme Julie, qui effectivement ça lui va très bien vu la grosse dépense qu'il a fait cette nuit. Ah oui, oh là là là là, réfléchissez encore une fois à vos grosses dépenses et mettez vos comptes par écrit. Vous avez été beaucoup trop généreux ces derniers temps. Oui, ça c'est avec... vrai, j'ai quand même offert un week-end en Italie à mon amoureux. Ouais, j'ai été beaucoup trop généreuse. Et elle a fait un don à l'État. Et j'ai fait ça. Enfin, il n'est pas encore fait, mais ce il va matin, passer. Je me suis sacrifié, j'ai exactement. Fait un don à l'État. Et ça, c'est beau. Oui. D'ailleurs, qui sera peut-être assorti d'autre chose. Hein. Ouais. Un petit peu de sport. Un petit peu de vélo aussi à la place du vu de la voiture. Les Lions. Ah, c'est une journée pour renouer avec vos anciennes amitiés. Les Vierges. Respirez profondément, dans le calme se puise la force qu'il vous manque en ce moment. Les Balances. Ne vous laissez pas dissuader d'abandonner vos idées. Réfléchissez aux propositions dans le calme. Les Scorpions. Ne laissez pas votre porte-monnaie vide, vous gâchez cette journée. Les Sagittaires. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Les Capricornes. Aujourd'hui, vous exercez une grande attirance sur le sexe opposé. Les Verseaux. Prenez un bon bol d'air pour vous libérer l'esprit et renforcer vos défenses naturelles. Et enfin, les Poissons. Vous allez connaître des réussites financières, mais lisez les clauses écrites en petit avant de signer. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. D'accord, je serai là, il n'y a pas de problème. Parfait, je vous rappelle la devinette qui colle car on donnera la réponse dans quelques minutes. Pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faudrait faire. Qui est-elle? Il ne faut pas la franchir quand on roule, sauf si les discontinue bien évidemment. Et puis sinon, elle peut être également anti-relou. Voilà, la bonne réponse au 6322. C'est 1€ le message. Il y a des écrans plats ou des smartphones Sony Xperia à vous offrir ce matin. 6322 avec la réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance, il y a 8h18. On écoute Cobra Starship maintenant. You make me feel sur Fun Radio. 8h21 sur Fun Radio et Cobra Starship à l'instant avec Sabi, c'était You Make Me Feel. Il est 8h21, bon réveil tout le monde, la réponse à la devinette qui colle c'est maintenant car nous avons Pascal qui est avec nous. Bonjour Pascal. Oui bonjour. Bonjour Pascal, t'appelles de Lessines. Pascal, sois le bienvenu. Pascal ? Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Très bien, bah oui, mais justement, je disais sois le bienvenu, je m'attendais à ce que tu dises merci, mais non, non il s'en fout. Bon, Pascal, tu as la réponse à la devinette qui colle. Pour passer à la suite, on peut la sauter. Pour tester ses limites, c'est franchir qu'il faut faire. Qui est-elle? La ligne. Eh oui, la ligne, effectivement, il fallait pas préciser ligne blanche, hein, évidemment. C'est la ligne tout court qu'on cherchait. Bravo, Pascal. Eh ben, grâce à la ligne, grâce à ton talent, tu repars avec un écran plat ou un smartphone Sony Xperia. Tu choisis quoi? L'écran plat. Eh bien, il est pour toi, pas de problème, Pascal. Tu restes bien au standard. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau très rapidement, d'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Salut, Pascal. Oh. Salut, salut. Ciao à toi, et on remet le couvert dans quelques instants pour éventuellement repartir peut-être avec un autre écran plat ou peut-être avec un smartphone Sony Xperia, peut-être, c'est possible. Bon, on va faire la déclaration express maintenant, déclaration express, c'est parti, et nous n'avons pas le commanditaire. Fille. J'essaie d'avoir la fille en fait, mais le problème c'est que le standard ne compose plus. Ne compose plus, c'est pas grave, tu sais quoi, hop là, tu drops Pascal et tu rappelles Pascal après. Voilà, okay. Maintenant ça va composer. Okay. Bon, dans un instant, nouvelle devinette. Également, je vous la fais dès maintenant. Hein? Allez, c'est parti. Du passé, on l'enseigne, du présent, on l'écrit, mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Voilà. Bon, moins des étudiants, évidemment, mais des petits, oui. Je répète, du passé, on l'enseigne, du présent, on l'écrit, mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Qui est-elle? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, en général, quand on est petit, on veut toujours qu'on nous en raconte. Mmh. Voilà, pour s'endormir, c'est plus facile, paraît-il. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Encore une fois, des écrans plats à gagner ou des smartphones, les Sony Xperia. Voilà, je vais y arriver. Marjorie qui est avec nous maintenant, Dougré. Salut Marjo. Salut. Comment ça va, Marjorie? Ça va. Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi, Marjorie. Alors, Marjorie, on va faire une petite déclaration express? Oui. Eh ben, très bien, on va appeler qui, Marjo? Andy, c'est mon compagnon depuis 8 ans. Andy depuis 8 ans. Et t'as quel âge, Marjo? 23. Depuis 8 ans? T'avais 15 balais quand tu t'es mis avec lui? Plus ou moins, oui. On a 2 enfants aussi. Oh là là! Oh là là, c'est une belle histoire d'amour. Ah, c'est horrible! C'est pas horrible! Non, c'est pas horrible! Mais non, c'est pas horrible, parce qu'il est jaloux. Mais c'est ton premier mec? Non. Ah bon, bah dis non, donc. Non, mais c'est le dernier. Ah, bah, oui, je te sais pas pour toi, mais. Bon, bah, voilà. D'accord, ok. Écoute, Marjorie, y a pas de malaise, hein. On va donc l'appeler, mais tu veux lui dire quoi alors? Tu veux faire une déclaration de quoi? Puisque t'es avec lui depuis 8 ans déjà. Mais ça fera bientôt 8 ans, donc j'ai envie que le monde entier, enfin tous ceux qui écoutent Fun Radio, oui, du moins, car le monde entier nous écoute, il faut le savoir. Ah oui, j'espère. Exactement. Bon, eh ben écoute, Marjorie, on y va, on l'appelle, Andy, justement, tu l'appelles, tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous, on dégaine derrière, d'accord? Eh ben ça va. Allez, c'est parti, on y va, on compose, c'est parti. Lui aussi est à Ougré, forcément, puisque vous habitez ensemble. On dirait un enquêteur, tellement je suis doué. Ah oui. Allez, c'est parti. Allô? Maman? Maman? Ouais. Maman? J'ai quelque chose à te dire, tu m'écoutes? Ouais. Ah ben ça va. Ça fait plus de 8 ans qu'elle te connaît. Le premier soir, tu l'as fait se marrer. Quand vous vous êtes croisés, pas loin d'Ougré, direct, son boule t'a maté. T'as dit ciel et coquine, oh je vais lui montrer que toute la nuit je peux assurer. Un jour elle n'a pas eu ses règles. Comme c'est sympa. Et tu ne t'es jamais barré. Non, t'es pas un gamin. T'as su assumer. Non, t'es pas un enfoiré. Que donner. La fin était nulle, la fin était nulle. Qu'est-ce que tu nous as fait là, alors? Dramatique, quoi. Bon, Andy, est-ce que t'as bien entendu la déclaration express? Oui. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? S'il vous plaît. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Oui. Oui, tant mieux, c'est beau. Ah, ben voilà. Marjorie? Oui. Ça va, ça t'a plu? Ah oui, c'était magnifique. Ah bah surtout la fin, que joli, que joli, que c'est un regard. Bon, eh bah écoute, bah, je vous fais des gros bisous tous les deux, Marjorie et Andy, et puis bah vous restez au standard, d'accord? Oui. À bientôt, la bonne journée à vous. Et ciao. Bonne journée sur Fun Radio. Merci à toi, Marjorie. Elle est patate, Marjorie, ça fait plaisir. Ouais, si vous aussi vous voulez qu'on fasse une déclaration express, bah quelqu'un, votre copain, votre futur copain, future copine, ex éventuellement, ou déclaration de rupture, sachez que tout est possible. Il suffit de nous faire un petit mail lobe@funradio.be ou alors par SMS au 3044. C'est 50 centimes le message. Vous débutez le message par déclaration et puis nous on vous rappelle bien sûr. Dans 3 minutes, c'est l'info sur Fun Radio avec Julie. Et on écoutera aussi le son de Maroon 5. Maroon 5 avec Christina Aguilera, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Ça sera Moves Like Jagger. Et je vous rappellerai la devinette qui colle, mais on a encore un petit peu de temps pour ça. On va faire ça d'ici des petites minutes sur Fun Radio. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h29, on va passer maintenant à l'info. C'est avec July et à 8h30 pour être précis. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, le roi va commencer ses consultations à 10h et consultera également demain. Elio Di Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi tient sa décision en suspens. La presse francophone affiche son ras-le-bol ce matin. Assez, titre le soir, irresponsable pour la une de la dernière heure. Hier, les événements se sont bousculés. Après que la réunion de la dernière chance, une de plus, entre les négociateurs a échoué, le président du CDH, Benoît Lugène, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux, se disaient choqués eux aussi, mais cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à la sortie du Parlement dès l'arrivée de Di Rupo. Après plus de 500 jours de négociations, quelles sont les options du roi Albert II? Eh bien, il peut faire pression sur les négociateurs et relancer Elio Di Rupo, ou alors nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre. Il peut former une autre coalition, ou alors des élections anticipées. Avec l'échec d'un accord sur le budget 2012, la Belgique est désormais menacée de se retrouver dans le collimateur de l'Europe et des marchés financiers et de payer une amende allant jusqu'à 700 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, vendredi, une jeune fille de 13 ans a été agressée à proximité du centre sportif de Neder-Ovenbeek. C'est la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum qui dénonce qui dénonce les faits dans un communiqué. L'adolescente a été agressée par d'autres jeunes filles qui l'ont insultée sur ses origines juives. Au-delà des faits, la députée se dit aussi choquée de voir que cette information n'a, selon elle, pas trouvé écho dans la presse. À Tournai, toujours pas d'ouverture tardive pour les cafés. Les cafés tournaisiens devront fermer plus tôt le week-end pendant encore au moins 2 semaines. Le conseil communal de Tournai a ratifié hier soir l'ordonnance du bourgmestre concernant la fermeture des cafés à 1h du matin en semaine et à 3h le week-end dans certains quartiers. Prolongée jusqu'au 11 décembre, cette décision fait suite aux violentes bagarres du début du mois de novembre au centre-ville. Bruxelles souffre d'une pénurie d'enseignants. Les écoles bruxelloises sont à nouveau confrontées à une pénurie d'instituteurs. Il manque de personnel pour assumer les classes ouvertes depuis la Toussaint. Le secteur le plus touché est celui du primaire. Un membre de MSF Belgique a été blessé par balle en République démocratique du Congo. 8 hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi une base de MSF Belgique à Massissi Centre. En conséquence, l'organisation médicale suspend une partie de ses activités dans cette zone. Et puis en Égypte, 26 morts déjà depuis le début des violences, surtout sur la place Tahrir au Caire. Le gouvernement a finalement présenté sa démission au Conseil suprême des forces armées qui a refusé ses démissions. Et puis enfin, au chapitre sportif, la FIFA l'a officialisé. Mehmet Chité, l'attaquant du Standard, ne jouera jamais pour les Diables Rouges. Il est 8h32 sur Fun Radio. La météo dans maintenant, justement, et dans un instant, c'est Maroon 5. Les courants d'air seront un peu plus humides aujourd'hui. La grisaille matinale sera plus lente à se lever, voire persistante par endroit. Température de 11 à 14 degrés. Demain, on pourra à nouveau sortir les parapluies par endroit. Ah bah ça faisait longtemps, tiens, justement. 63-22 dans un instant, c'est par SMS. La devinette qui colle, je vous la rappellerai, bien évidemment. Maroon 5 arrive également. Et nous allons maintenant passer à la devinette, à l'info en plus. Je mélange tout, moi, ce matin. L'info en plus qui parle d'un concours de bisous. En fait, un pasteur du Queens, donc aux États-Unis, a trouvé. C'est mignon. Il a trouvé. Moi, je trouve ça assez mignon. Il a trouvé le moyen. Non, pas toi, non. Avec la langue. Il a trouvé le moyen, donc ce pasteur, de rendre les services religieux moins rébarbatifs et de renforcer le mariage chez ses fidèles. En fait, lors de son sermon du dimanche, il demande à 4 couples de s'embrasser pendant 5 minutes devant le reste des fidèles rassemblés. À l'issue de cette démonstration d'amour, eh bien, le public doit voter pour le couple le plus amoureux qui reçoit $50 à dépenser au cours d'une sortie à deux. C'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Il a rien inventé, Raël faisait déjà des partouzes. Oh, attends, c'est bon. Merci, Toff. Voilà. De rien. Bon, c'est tout pour le moment. Voilà. Ouais, petite. Non. D'accord, pas de problème. 8h34 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Allez, c'est parti. Maroon 5 et Christina Aguilera sur Fun Radio. Moves Like Jagger. C'est Mickaël à la radio. On est ensemble jusqu'à 9h30 ce matin. On reparlera tout à l'heure aussi, encore une fois, de l'amour est dans le pré. Enfin, l'amour était en vacances hier en l'occurrence. On fait ça avant 9h30. Je vous rappelle la devinette qui colle sur Fun Radio à 8h37. Du passé, on l'enseigne. Du présent, on l'écrit. Et mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Ce n'est pas un conte, même si les enfants adorent qu'on leur en raconte, par exemple. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce que c'est 63-22, débutez le message avec la réponse, tout simplement. Et vous repartirez avec soit un écran plat, soit avec le Sony Xperia. C'est le nouveau smartphone de chez Sony Ericsson qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio. Après vous avoir offert tous les iPhone 4S et les iPad 2 la semaine dernière, on est sur les Sony Ericsson Xperia cette semaine. Voilà, je répète, du passé on l'enseigne, du présent on l'écrit, mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Qui est-elle? Et justement, ces derniers adorent qu'on leur en lise le soir, par exemple. Voilà. 8h38, c'est l'heure maintenant d'écouter Julien Derien, le grand reporter, qui est évidemment tous les soirs avec Evan dans Evan et la tribu entre 17h et 20h, qui est toujours au taquet, qui est toujours sur le fil, dans l'actu. Voilà, il est dans l'actu, il fait l'actu. Écoutez Julien Derien sur Fun. Aujourd'hui est une journée particulière, c'est une journée spéciale. Pour nous en parler, on a Julien Derien en direct par téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Evan et bonjour aux deux Mimi, Mimilan et Noé Mimi. Mesdames et messieurs, certaines journées de nos calendriers servent à commémorer ou à fêter un événement. Alors hier par exemple, c'était la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Alors j'ai une question, c'était quand l'industrialisation de l'Afrique ? Ça va se faire. On a bien fait d'avoir fait une journée spéciale, car quand on regarde la gueule du continent, on se demande s'ils ont été industrialisés. Ce qu'on aurait dû faire, c'est la journée du pillage de l'Afrique. Car ça, nous, les Européens, on s'en rappelle. Enfin, on n'est pas là pour faire un débat. Non, Julien, c'est vrai que vous avez raison sur ce coup-là, on n'est pas là pour ça. Oui, bon, enfin, vous dites ça parce que vous êtes incapable de faire un débat sur quelconque sujet. Écoutez, Julien, vous voulez vraiment qu'on parle de l'industrialisation du pays africain ? Vous voulez qu'on explique que technique et technologie ont été combinées pour permettre un développement plus rapide et spécifique, c'est ça ? Au niveau des mines, par exemple, l'avantage de l'Afrique, c'est quand même de disposer d'immenses et de précieuses ressources dont l'exploitation pourrait permettre la mise sur pied d'unités de transformation intéressantes, non ? Carrément. Bref, moi je trouve que ça pose un souci, les journées mondiales. Par exemple, le 19 novembre, c'était aussi la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Alors quoi, c'était le seul jour où on n'avait pas le droit d'abuser des gamins ? Attends, on n'a pas de chance, c'est tombé un samedi. Samedi, c'est le moment où on a envie de se détendre. C'est horrible. Bon, Julien, heureusement qu'on connaît un peu le second degré ici. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait bizarre aujourd'hui, c'est que le son, il résonne, ouais. Vous trouvez pas ? Mais j'essaie de régler le truc, mais je comprends pas pourquoi. Ça résonne un peu, là, Julien, il n'est pas bon le son. Ah, je vous ai pas dit ? Non. Ah, le 19 novembre, c'était également la journée mondiale des toilettes. Du coup, voilà. Ah. D'accord, je comprends mieux le mauvais son. Bon. Merci, Julien. De rien. Eh oui, Julien De Rien qui sera de retour évidemment dès ce soir à partir de 17h dans Evan et la tribu, bien entendu. Dans un instant, restez là, on écoutera le son de Funda. Magnifique artiste belge qu'on écoutera, on fera la ligne anti-relou également sur Fun Radio, restez là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Il est 9h15 sur Fun Radio, bon réveil si jamais vous débarquez, bon courage si vous êtes sur la route. D'ailleurs, en parlant de route, on va en parler maintenant puisqu'on va faire un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes ? Eh bien oui, soyez prudents, il y a un objet encombrant sur le 42 Liège en direction de Namur-Mons à hauteur de Injon. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 38.8 par des déchets de pneus de camion. Et puis objet encombrant également sur la 602 Chenet en direction de Loncin à hauteur de Chenet. C'est la bande de gauche toujours qui est obstruée au kilomètre 13.0. Et puis accident sur le ring d'Anvers, toujours en direction des Pays-Bas, à hauteur de Anvers Sud. Pardon. Je crois que je peux arrêter là. Mais il n'y a pas de problème, tu sais. Bon, si vous êtes témoin, vous aussi, d'un problème sur les routes, n'hésitez pas, bien sûr, à nous transmettre l'info. Ça se passe au 63 22, au 30 44, je dis n'importe quoi. 30 44, c'est 50 centimes le message. Et également sur le mail mickaël@funradio.be. Allez, la ligne anti-relou, c'est maintenant sur Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est... Oui, non, mais tu calmes un petit peu. Non, elle est pressée, elle veut y aller tout de suite. Bon, elle va être tranquille là, alors, Josiane. Donc, la ligne anti-relou, c'est tous les matins sur Fun Radio. Le concept relativement simple. Un numéro de téléphone à retenir par cœur, le 0 473 86 00 13. Numéro de téléphone à retenir, car vous allez devoir le donner à tous les relous que vous allez croiser, que ce soit en boîte, que ce soit au travail, que ce soit l'ami d'un ami, un collègue qui est relou, je sais pas, votre prof, n'importe Julie. Qui, ah non. Julie, non, toi plutôt à la limite. Vous lui donnez le numéro de téléphone en lui disant eh voilà, j'écoute, j'ai un rendez-vous là, mais bon, tiens mon numéro de téléphone, appelle-moi, vraiment, je compte sur toi, vas-y. Hein. Donc tu lui donnes le numéro de téléphone et hop là, il va rappeler et laisser son message sur la ligne anti-relou qu'on écoute tous les matins. Oui, bon, voilà. En fait, c'est pas pour être méchante, mais là, ça fait plusieurs jours que vous n'arrêtez pas de me limite harceler. Et je sais pas comment t'as eu mon numéro. Je sais pas très bien qui t'es. Je comprends pas bien tes messages. Mais il y a un truc que j'aimerais vraiment te demander, c'est d'arrêter de me parler, si possible. Et vu la définition que tu m'as faite, je pense que je suis beaucoup trop jeune pour toi. C'est Geneviève, non ? Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'on s'est tout dit. Et pour le rendez-vous pour demain soir, ben, je n'y viendrai pas. Je pense que tu t'en doutais. Et voilà. Bisous. Ah oui, c'était Geneviève, peut-être de l'amour et dans le prêt, tiens. Fille, ou sa fille, ouais. À la limite, sa fille. Jeune. Peut-être sa fille, ouais. Deuxième message laissé sur la ligne en tirelou. Bonjour, c'est Maxence, le jardinier qui est venu chez toi. C'est pour dire que t'es trop jolie. Et je voudrais venir te voir. Et j'ai eu le numéro par le patron et il m'a dit que tu vas m'appeler. Oui, une grosse bise, hein. C'est très dur. Bon, et enfin, dernier message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. Pendant qu'il appelait. Ah, ça, je ne sais pas. Je préfère même pas le savoir. Oui, Fabienne, salut, c'est Francis. Ben écoute, je te sonne parce que ça fait un petit moment que j'essaie de te contacter. Ça fait 3-4 jours et il n'y a pas moyen. Je ne sais pas si tu trouves ton répondeur. Non, bon, si je décide de laisser mon message, ben voilà, écoute, je suis en manque de toi, on a fait l'amour comme des malades, voilà quoi. Donc maintenant, plus aucune nouvelle, tu m'as dit que t'allais me recontacter, je suis là comme un petit blaireau en train de t'attendre. Je me pose la question, là maintenant je suis en direction de Bruxelles, ben j'espère que tu vas pouvoir me contacter, Corona Stab. Allez, à bientôt. Eh ben voilà, je pense que tu vas la garder sous le coude, hein. Ouais, ouais. Je pense que tu vas remettre ça avec ta main. Exactement. probablement. Voilà, retour de la ligne anti-relou, c'est demain évidemment à partir de 6h du matin. Et le numéro à retenir évidemment, le 0473 86 0013. On va écouter Funda maintenant avec Stand Up, artiste belge, très mignonne, cela dit au passage. Et puis je rappelle aussi qu'on fera Chez le Monde dans un instant avec Tof. Ne bougez pas de là, il est 8h48. C'est Fun Radio, il est 8h52, bon réveil si vous venez de vous lever, hein, et il est temps là quand même à un moment ou à un autre. Hein. On va vous rappeler la devinette qui colle. Mais je crie pas. Mais si tu cries. Là je crie. Tu vois, donc je criais pas. Du passé on l'enseigne, du présent on l'écrit, mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Qui est-elle? Voilà. Donc sur une ligne du temps, elle doit apparaître également. Enfin, elle apparaît en théorie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les enfants adorent qu'on leur raconte une petite histoire éventuellement. Une petite indice éventuellement. Non, j'avais un indice, mais il est dégueulasse, je peux pas le dire. T'as pas capté. Ça va, mais personne n'a capté, c'est bon. Une fois de plus, il a balancé la réponse. Tais-toi! Personne n'a capté. Si tu t'étais tu, personne n'aurait capté. Je donne comme ça un indice auditeur. Ouais, personne n'a rien capté. Allez, puis qu'on a commencé le morning, mais la 46ème fois, tu balances la réponse. C'est faux. 63-22 si vous avez la bonne réponse. Dégueulasse que, du coup, c'est ça. 63-22 si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde, il y a des écrans plats à gagner ou des smartphones, les Sony Xperia. Bon, on va donc appeler, on avait appelé à Trivière tout à l'heure, on avait appelé à Fontaine-l'Évêque également pour. C'était la journée de la toilette samedi. C'est ça, donc du coup, je me suis dit que. Comme j'avais failli passer à côté, il fallait que je me rattrape. Et donc aujourd'hui, voilà. Du coup, t'appelles chez les gens pour aller chez eux, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Enfin, pour couler un bronze, quoi. Mais on a compris. Bon, c'est parti, on y va. Donc on appelle à. On va appeler où? À Benozé. Oui, c'est bien Benozé, j'aime Allez, bien. C'est parti. Benozé, c'est parti. On appelle maintenant 8h53 sur Fun. Et il y aura OG après. Simpson? Non. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que samedi, c'était la journée des toilettes. Pardon ? Je dis, samedi, c'était la journée des toilettes. Je vois. La journée des toilettes. Oui. Oui. Et en fait, je voulais savoir si c'était possible de venir chez vous pour utiliser vos toilettes. Ah, non, c'est pour le moment, je fais un call tout seul. Hein. Oui, mais c'est moi si je peux venir chez vous. Pour faire la toilette ? Oui. Mais je fais tout seul, moi, la toilette. Oui, j'ai compris. Mais je voudrais venir, moi, pour faire un gros caca chez vous. Ah bon, encore samedi? Non, pas samedi, aujourd'hui, parce que là, elle pend, donc ça serait bien que je vienne la vider tout de suite. Ah, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Maintenant? Si c'était possible, oui. Je suis encore au lit, moi. Oui, mais c'est pas grave, je vous dérangerai pas. Hein. Vous m'ouvrez, vous me montrez où c'est, et puis moi, je coule mon bronze, et puis... Oui, moi, là, je fais la salle de bain parce que j'ai pas de chauffage. Ah oui. Vous pouvez mettre le chauffage et puis comme ça, dans une heure, j'arrive et comme ça, je fais ça tranquille, quoi. Ouais. Oui, c'est possible. Alors, je me lève, je vais souffler. D'accord. On dit dans une heure, alors. Ouais, dans une heure, ouais. D'accord, ça va. Bon, c'est tout le temps qu'il souffre. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Parfait. Je viens faire ma petite crotte dans une heure, alors. Ça va. Merci beaucoup, monsieur. À tout de suite. Voilà, c'est bon là. Ça y est, c'est plié là. Pour une fois, c'est pas un échec. Qu'à 9h05, il y a des gens qui sont déjà bourrés. Et oui, non, peut-être pas bourrés, mais en tout cas, qui sont ouverts à ce que tu puisses éventuellement venir. Oh, il avait l'air bourré quand même. Aux toilettes. Il avait l'air loin, ouais, c'est clair. Il avait l'air pas très frais. Bon, on écoute OG maintenant sur Fun Radio. C'est Friday Night. Il est 8h55. Bon réveil. OG à l'instant, Friday Night sur Fun Radio, 8h58. Il y aura Kerry Hilson dans un instant avec Nelly. Ça sera Loose Control, bien évidemment. Et puis plein de messages et plein de réponses qui arrivent aussi par rapport à la devinette qui colle. Évidemment, ça avec Julie qui donne les bonnes réponses. Évidemment, la devinette n'est pas très compliquée à trouver. Hein, c'est ça, beau, les gens qui n'assument pas leur erreur. Ça, c'est clair, c'est incroyable. Bon, on vous remboursera vos factures aussi dans un instant. C'est dans 10 minutes que ça va se passer. Si vous voulez une chance de vous faire rembourser vos factures, facile, vous faites un petit SMS au 63-22 par SMS. SMS justement. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appellera peut-être d'ici quelques instants pour vous rembourser votre facture. Comme là, 49,26€ pour Internet, c'est Philippe de Wavre. 81,86€ pour des frais pour les livres d'école. 90€ pour des lunettes. 180€ pour le shopping. 70€ pour les jouets de Saint-Nicolas. 159€ pour un concert. 106€ pour la taxe poubelle. 127€ pour Internet. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse une de vos factures, 63,22€, vous vous inscrivez, vous envoyez un SMS. Donc au 63,22€, vous débutez par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Et dans un instant sur Fun Radio, Kerry Hilson avec Loose Control, Kerry Hilson et Nelly. Et à 9h pile, on passe maintenant à l'actu. C'est avec Julie que ça se passe. Bonjour à tous. Le roi va commencer ses consultations à 10h. Elio Di Rupo a une nouvelle fois jeté l'éponge hier. Il a demandé d'être déchargé de sa mission pour la seconde fois. Le roi tient sa décision en suspens. La presse francophone affiche son ras-le-bol ce matin. Assez, titre Le Soir, irresponsable pour la une de la dernière heure. Hier, les événements se sont bousculés après que la réunion de la dernière chance, une de plus entre les négociateurs, a échoué. Le président du CDH, Benoît Lugen, accusait les libéraux, les qualifiant de choquants d'irresponsabilité. Les libéraux, eux aussi, se disaient choqués, cette fois par la décision de Di Rupo de quitter la table. Et ils précisent qu'ils veulent finaliser les négociations. Charles Michel suspecte même le formateur d'avoir suivi un scénario écrit à l'avance et prenait pour preuve les trois motards de la police prêts à sortir du Parlement dès l'arrivée de Di Rupo pour la réunion de la dernière chance. Après plus de 500 jours de négociations, quelles sont maintenant les options du roi Albert II ? Eh bien, il peut faire pression sur les négociateurs et relancer Elio Di Rupo, nommer une autre personnalité, soit avec un titre de formateur, soit avec un autre titre. Il peut former une autre coalition ou alors encore des élections anticipées. Avec l'échec d'un accord sur le budget 2012, la Belgique est désormais menacée de se trouver dans le collimateur de l'Europe et des marchés financiers. La Belgique risque même une amende allant jusqu'à 700 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, Bruxelles souffre, et ma voix aussi un peu, pardon, souffre d'une pénurie d'enseignants. Les écoles bruxelloises sont à nouveau confrontées à une pénurie d'instituteurs. Il manque du personnel pour assumer les classes ouvertes depuis la Toussaint. Le secteur le plus touché est celui du primaire. Vendredi, une fille de 13 ans a été agressée à proximité du centre sportif de Neder-Overenbeek. C'est la députée bruxelloise Viviane Teltenboom qui dénonce les faits dans un communiqué. L'adolescente a été agressée par d'autres jeunes filles qui l'ont insultée sur ses origines juives. Au-delà des faits, la députée se dit aussi choquée de voir que cette information n'a, selon elle, pas trouvé écho dans la presse. À Tournai, toujours pas d'ouverture tardive pour les cafés. Les cafés tournaisiens devront fermer plus tôt le week-end, pendant encore au moins 2 semaines. Le conseil communal de Tournai a ratifié hier soir l'ordonnance du bourgmestre concernant la fermeture des cafés à 1h du matin en semaine et à 3h le week-end dans certains cafés. Cette décision fait suite aux violentes bagarres du début du mois de novembre au centre-ville. Pardon, j'ai un petit peu du mal à me concentrer. Toff me montre des images vraiment violentes. Un membre de MSF Belgique a été blessé par balle en République démocratique du Congo. 8 hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi une base de MSF Belgique à Massissi Centre. En conséquence, l'organisation médicale suspend une partie de ses activités dans cette zone. Et puis Danielle Mitterrand est morte cette nuit à l'âge de 87 ans. Elle est décédée à 2h du matin à l'hôpital Georges Pompidou. La veuve de l'ancien chef de l'État français était hospitalisée depuis vendredi. Très bien, on nous signale également un car en panne sur la bande d'arrêt d'urgence à Drogenbos en direction de Bruxelles. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Levez le pied si vous passez dans le coin. 9h03 sur Fun Radio, il y aura Kerry Hilson dans un instant avec Nelly et Loose Control. Et puis je vous expliquerai aussi comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Mais avant cela, c'est la météo. Les courants d'air seront un peu plus humides. C'est pas Julie, il y a un problème. Ah, c'est horrible. C'est Toff qui m'a montré un truc dégueulasse pendant que je présente mes infos. Mais il continue à me le montrer, mais je ne veux pas le voir. Ça qu'il ne comprend pas. La grisaille matinale sera plus lente à se lever aujourd'hui, voire même persistante. Donc là, on la force à regarder ces images. 11 à 14 degrés et demain, il va falloir ressortir les parapluies. Ah, ça c'est vraiment dommage, effectivement. La faux en plus, c'est dans un instant et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 9h04 sur Fun Radio, dans un instant, évidemment, on vous explique. Dans un instant, il y aura l'info en plus. Mais d'abord, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Il suffit de nous envoyer un petit message au 6322 par SMS. C'est 1€ le message. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Là, il y avait 127€ pour Internet. Non, je lâche pas. Bah, t'as raison. Hein. 80,86€ pour livre d'école, 45€ pour Mobistar, 79,99€ pour un quad pour mon fils, 76€ pour la taxe poubelle, 21,20€ pour un DVD de Twiling, j'imagine que c'est Twilight peut-être, oui, je pense. 89,28€ pour une des cartes de crédit, etc. etc. 63,22€, on appelle chez vous dans moins de 4 minutes pour vous rembourser votre facture. Avant cela, l'info en plus. Eh bien l'info en plus, l'info pratique ce matin, on apprend que le bois est l'énergie la moins coûteuse. Ah bon? Bah oui, en fait c'est le prix, le niveau de prix. C'est la plus chiante aussi, hein, parce que quand t'arrives avec tes bois là en hiver et tout là. Oui, mais quand on y réfléchit, le prix du gaz a augmenté de 17%, de 28% pour le mazout et de 3% pour l'électricité. On y réfléchit quand même à deux fois quand on sait que le bois il est resté à un niveau de prix plutôt stable et qui coûte quand même 6 fois moins cher que l'électricité. Ouais, et puis bon, du bois tu peux en trouver partout quoi. Ouais, tu peux aller ramasser tes petits, c'est vrai, tes petits c'est morceaux vrai. De bois en rentrant à la maison. Donc voilà, c'est une info un petit peu pratique. C'est une info qui vient de tomber ce matin et je pense que maintenant, on a de plus en plus de mal à se payer pour se chauffer. Donc voilà, maintenant, on sait qu'on peut aller chercher ces morceaux de bois dans. Donc construisez une cheminée chez vous. Hein. Exactement. Faites un trou dans le plafond et puis allez-y. Exactement, exactement. Il faut construire une cheminée, effectivement. Bon, il y avait ça aussi qui est arrivé pour le radar. Là, attention, installation d'un radar dans la descente en direction de Boire en provenant de Tongres. C'est une zone 50. Donc levez le pied également. Ils sont en train de s'installer. Donc ça va tomber dans pas longtemps, effectivement. Dans un instant, le remboursement de vos factures, comme promis. Et puis on va s'écouter Carrie Hilson maintenant et Nelly sur Fun Radio, c'est Loose Control à 9h06. C'est Andy Grammer qui arrive dans un instant en Keep Your Head Up sur Fun. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Évidemment, tous les matins, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Suffit tout simplement de nous envoyer le petit message au 6322 en débutant le message simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. On fait ça chaque matin, donc pas très compliqué au final pour tomber dessus, évidemment. Alors, c'est parti. Quelle facture on va rembourser? Alors, Julie n'a pas regardé. Il n'y avait pas des remboursements pour des phoques cette fois-ci? On ne sait jamais. Oh, hein. Ça aurait été trop bien. Ah bah oui, oh, oui, un petit c'est phoque. Génial après les gorilles. Mais oh, oui, là, là. Un petit phoque, c'est toujours bien là. Moi, j'adore rembourser des trucs comme ça. Attends, voilà. C'est trop mignon le parrainage des gorilles. Je sais, oui. C'est vrai, il faut que j'avoue, c'est moi qui ai lutté pour qu'on puisse rembourser cette facture. Oui. Bah, c'est ça. Ouais. C'est Julie Bardot. Mais après, les médicaments Bardot, du chat cardiaque, c'était le hasard. Oui, c'était le hasard. Oui, parce qu'on a remboursé la semaine dernière les médicaments d'un chat qui est cardiaque. Donc tu vois, franchement, c'est pas tout moi, c'est aussi le hasard. C'est vrai, c'est vrai. Qui joue en faveur des animaux. Bon, allez, on y va, c'est parti, on appelle maintenant. Si la personne qu'on appelle décroche et répond bien à la question, c'est gagné. Que je lui posais, bien sûr. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin? Ah, Fun Radio. Ah ouais, la, la, la, la, la, la, la. Et oui, bonne réponse. Comment tu t'appelles? Joël. Salut Joël. Tu es dans quelle ville? Je suis à Bruxelles. Tu es à Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio dans la capitale. Et donc, Joël, tu veux qu'on te rembourse une facture de quoi? C'est une facture de 40€ pour un voyage scolaire. Voyage scolaire des enfants, de finalement. Ma fille, bien sûr. J'imagine. Ouais, ouais. Et voyage scolaire pour aller où? 40€, pas très loin, à mon avis. Pas tellement, non, c'est Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, d'accord, ok. Oui, effectivement, c'est pas très loin, effectivement. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Elle est déjà partie ou elle va partir? Non, elle va partir. Elle va partir. Et quel âge est-elle? 16 ans. 16 ans, ah oui, donc d'accord, ok. Ouais, donc je vais lui donner 40€ pour qu'elle puisse aller flirter avec des hommes. Bravo. Non, ça c'est le prix du voyage. Hein. Tu penses bien que je vais te donner un peu d'argent de poche à côté de ça. Oui, ouais, mais t'inquiète pas, tout ça pour qu'elle puisse aller flirter avec ses petits camarades. Hein, hein, ouais. Au frais de maman. Ben oui, bravo. Ouais. Maman super cool, c'est trop mignon. Oui, elle a l'air à la cool, voilà. Ouais, bon, elle ira picoler au frais de maman. Bon Joël, eh ben écoute, bravo, tu restes en standard, on va t'expliquer comment ça se passe pour qu'on puisse te rembourser ta facture, d'accord? Oh, super, merci. Je t'en prie. Gros bisous, Joël. À bientôt. Merci. Et si ta fille en veut un peu, là, bah, des bonnes adresses. Oui, c'est ça. Ouais. Salut, Joël. Ciao. Ciao à toi, Joël. Et puis, si vous voulez faire comme Joël, comme Olivier également, qu'on a eu tout à l'heure et à qui on a remboursé les factures, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous le voulez. 63,22 par SMS. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On remet le couvert demain dès 6h. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ah non, c'est bon. Tu voulais dire un truc? C'est... Il dit mais laisse-moi faire mes trucs. Ouais, tes trucs, ouais, elle veut faire des trucs. Oui, allez, faisons des trucs. Ouais. Allez, viens, on va faire des trucs. Bon, allez, dans un instant, c'est l'horoscope, le dernier de la journée. On parlera également de l'amour et dans le pré. Mais avant cela, on va s'écouter une petite tuerie, tiens, bien sympa, à 9h12. Andy Grammer, keep your head up. Et les MFAO sur Fun Radio, c'est ce qui arrive avec Sexy and I Know It. Fun Radio, l'horoscope. Mais avant cela, évidemment, l'horoscope, comme chaque matin sur Fun Radio, à 7h15, 8h15 et 9h15, c'est l'horoscope avec l'ami Doudou. Doudou, vous aimez le ski, au fait, vous? Ah, bah, disons que je sais pas trop ce que c'est, hein, moi, j'ai jamais vu la neige. Ah, bon, alors, j'ai de quoi vous motiver. Les monitrices de ski suisse viennent de sortir leur calendrier. Ah oui, enfin bon, des filles en combi, c'est pas jouer sexy non plus. Non mais justement, là, regardez, elles sont très très dénudées. Ah, ah mais oui, c'est-à-dire que vu comme ça, je vais peut-être commencer le ski demain. Hein. Ah bah voilà, vous voyez. Ah, hein. Parce que vous savez, moi j'ai besoin de beaucoup d'attention pour apprendre le ski. Ça m'étonne pas, Dodo. Tiens, on va mettre les photos sur le blog, sur mikl.fm, comme ça vous allez pouvoir aller voir, tiens. Ah. Et comme normalement, au mois de janvier, on devrait aller faire du ski, Doudou, vous venez avec? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Mais il fait froid, hein. Il fait moins 5, moins 10, moins 15 parfois. Ah, je vais réfléchir. Hein. Bon. Je vais voir si je trouve la même monitrice que sur les photos et alors je viens. Bon, bah sinon vous restez avec Julie à la radio. Hein. Oui, bah au moins elle me tiendra chaud. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, allez, les béliers pour le premier signe, comme d'hab. Aujourd'hui, vous voulez tout et tout de suite, mais vous avez tendance à tout en demander à votre entourage. Les taureaux. Ça vous posera des problèmes si vous ne travaillez pas de façon concentrée et en vous laissant distraire facilement. Les gémeaux. Défendez avec courage votre point de vue, votre travail portera ses fruits. Les cancers. Réfléchissez encore une fois à vos grosses dépenses, hein. Mettez vos comptes par écrit, vous avez été beaucoup trop généreux ces derniers temps. Les lions. C'est une journée pour renouer avec d'anciennes amitiés. Les vierges. Respirez profondément, c'est dans le calme que se puise la force, surtout celle qui vous manque en ce moment. Les balances. Ne vous laissez pas dissuader d'abandonner vos idées et réfléchissez aux propositions dans le calme. Les scorpions. Ne laissez pas votre porte-monnaie vide gâcher cette journée. Les sagittaires. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Les capricornes. Aujourd'hui, vous exercez une grande attirance sur le sexe opposé. Les verseaux. Prenez un bon bol d'air pour vous libérer l'esprit et renforcer vos défenses naturelles. Et enfin, les poissons. Vous allez connaître des réussites financières. Mais attention, lisez bien les clauses écrites en petit avant de signer. Très bien. Bon, ben merci, Doudou. Ah, bah de rien. On vous retrouve demain en pleine forme? Oui, quand vous voulez. Vous bon, savez, bah, demain, moi, je suis là. Hein. Parfait, très bien. De toute façon, je peux plus dormir. Donc, oui, bah voilà, c'est ça. Bon, bah bonne nuit. Bah oui. Ça va aller, vous allez voir, vous dormirez peut-être la journée, comme ça c'est bien. 9h18 sur Fun Radio, dans un instant on parle de l'amour et dans le pré, évidemment. On donnera la réponse aussi à la devinette qui colle et on écoute LMFAO maintenant. Sexy and I Know It sur Fun Radio, bon réveil. Ouais. 9h21 sur Fun Radio, il y a dans quelques instants Lucas qui va débarquer comme chaque matin entre 9h30 et 13h avec le self. Il vous passera les meilleurs sons puisque c'est vous qui les choisirez forcément avec lui au 3044 par SMS en débutant votre message par self ou en envoyant tout simplement un petit mail sur son mail, en l'occurrence lucas@funradio.be. Et hier nous avons eu une grande émission, évidemment. Très grande. L'amour n'était plus dans le pré mais bien en vacances et c'est là que ça se complique évidemment quand il faut passer la barrière de la langue, n'est-ce pas Mireille? Le français que je préfère. Un peu français. Un peu français. Donc, oui, je comprends. Okay. Je comprends français, je ne sais pas parler un peu français. Oui. Voilà, donc c'était pas très facile. D'ailleurs, on peut encore essayer un petit coup, hein? Bah oui. Je parle le français. Je comprends parler parfait. Et vous ne savez pas parler français? L'anglais. Ok. Oui. Eh bien, en anglais, doucement. Oui. Vous pouvez parler, ok? Comme ça. Oui. Ok. Voilà, autant dire qu'elle n'est pas dans sa chambre. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais, mais bon. C'est, déjà, s'il cherche à parler l'anglais. L'anglais, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est pas la seule. Hein. Il y a aussi Lionel, le businessman, qui est pas mal non plus dans le speak English. From Belgium for the show Farms Hello. And we look for notre chambre. Room. For the room. Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc il a fallu quand même pas mal de temps pour trouver le mot room. Hein. Oui, il était un peu dans la merde, effectivement. Bon, et s'il y en a qui ont du mal avec la langue, comme on a pu le voir, il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus dur, comme Céline par exemple, bah, qui manque de l'essentiel. Qu'est-ce qui te manque un peu dans. Ben. un bon steak frites salade, par exemple. Alors, il faut savoir que c'est pas comme s'il était, je sais pas moi, en Amérique du Sud ou en Afrique. Non, elle est en Portugal. Il y a des steaks frites, salades au Portugal, je veux dire, pour le coup. Et c'est pas non plus comme s'il était dans un pays bizarre, quoi. Oui, mais attends, elle était jamais partie très très loin. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, d'ailleurs, évidemment, elle est déjà partie dans des endroits, mais surréalistes. Et toi, t'es partie déjà en vacances En week-end, mais en vacances, pour dire. Si, quand même, une fois. Un week-end à Mons. Et un week-end à Rémich au Luxembourg. Exotique. Attends, et Mons quand même. Non, je suis désolé, moi Rémich, attends, moi on me dit tu pars à Rémich maintenant, là je saute dans l'avion. Bah ouais, mais enfin bon, à la voiture. Non mais Rémich au Luxembourg, tu peux encore faire quelques affaires là, Mons non. Ouais. Bon, tu peux faire ton plein gras pour pas trop cher au Luxembourg, acheter de l'alcool pas trop cher, alors qu'à Mons non, tu vois. Ouais. Il faut voir le bon côté à chaque fois. Hein, mais bon. Parce que par contre, le cadre. Ouais, oui, non, ça après, ça c'est clair. Bon, et puis sinon, il y a Geneviève qui est au taquet. Hein. Alors, on savait déjà que son idéal était très loin d'être Marc. Et ben, elle le confirme. Je pense qu'on n'a pas grand chose à faire ensemble. Je ne sais pas. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de. Je suis célibataire et puis qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui va me repérer et qui va m'envoyer un courrier. Ouais, bah d'insulte à mon avis, hein, parce que vu comment c'était une connasse hier, elle. Elle est surtout célibachiante. Elle est relou, mais c'est comment horrible. Est-ce possible d'être relou depuis à ce point-là. Depuis le début, elle savait que Marc ne lui plaisait pas et pourtant elle a été jusqu'au bout. Il l'a choisi, elle part avec lui en vacances. Bah non, mais, tout. Mais enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle y allait juste pour les vacances. Bah oui, bien sûr. Oui. Et de pouvoir se faire voir en espérant que quelqu'un se dise c'est elle horrible. Est bonne, j'ai envie de me la taper. Bah, et bon, non, en plus, elle est pas bonne. Bon, je vais lui écrire quand même. Pour finir, petit cours d'anglais avec Mireille. Comment est-ce qu'on dit déjà autre chose en anglais? Under sink. Non, under c'est en flamand. Other thing. Other thing. Other. O-T-H-E-R. Oui, bah, c'est marrant bien. Parce que de la manière dont elle le dit, on se rend pas compte que c'est O-T-H-E-R. Hein. Non. C'est Other. Other. O-Z-E-R-R-R-R-R-E. Ouais, écoute, faut essayer, pourquoi pas. Bon, allez, maintenant vouloir. Vouloir. I can, will, je veux, I. Je souhaite. I wish. Et alors enfin, on va tout mettre en pratique maintenant qu'on a appris les deux mots essentiels. Ah oui. I wish other thing. Do you understand? Pas là, ce qu'il y a pas. Eh oui. Ah ouais, okay. Voilà, ça c'est fait donc, hein, autant dire qu'ils ne sont pas arrivés dans l'hôtel. Bon, la bonne nouvelle c'est que la semaine prochaine on remettra le couvert une dernière fois avec l'amour et dans le pré. La mauvaise c'est que c'est la dernière fois. Oh. Ah ouais, ce sera la dernière fois, oui, c'est dommage. Juste avant décembre, hop, on va arrêter l'amour et dans le pré, c'est malheureux. Oh. Eh oui, je sais, tout le monde est triste. Mais oui, je sais que tout le monde est triste, mais quoi qu'il en soit. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Voilà, donc ça c'est le principal. Bon, nous avons Véronique qui est avec nous maintenant de Marcinelle. Salut Véro! Salut. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben on va bien, tranquille Véro. Bon, toi tu nous appelles par rapport à la devinette qui colle. Du oui, passé on l'enseigne, du présent on l'écrit, mais qu'importe d'où elle vienne, elle fait le bonheur des petits. Qui est-elle? Une histoire. Eh oui, c'est une petite histoire, effectivement, l'histoire qui est la bonne réponse. Et grâce à l'histoire, tu repars avec un cadeau. Que choisis-tu? Il y a l'écran plat ou le smartphone Sony Xperia qu'on offre toute la semaine. Christelle, attention, tu vas être radiée. Un écran plat ou le smartphone, c'est ça que vous voulez? Oui, voilà. Exactement. Ou rien, tu peux oui, dire non, je ne veux rien, je jouais juste pour le plaisir. La télé. T'es sûr sinon, monsieur, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans. Donc t'es sûr, hein, tu peux dire je prends rien. S'il vous plaît. Je dis tu peux dire je ne prends rien. Si, je prends tout. Ah bon, d'accord, tout tu n'auras pas. Je prends tout et j'en prends encore un peu. Voilà, l'écran plat, ça ira, c'est pour toi, je te repasse l'ob au standard, Véronique. Je peux remettre un gros bisou à mon fils Hakim. Ah, de toute façon, c'est trop tard, c'est pas. C'est fait. C'est pas comme si j'avais le choix. Y a pas de problème, Véronique. Et un gros bisou à vous aussi, merci beaucoup. Bah, y a pas de problème, Véro, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Ok, merci. Allez, gros bisous, à bientôt, Véronique. Gros bisous, merci. Et puis, passez une bonne journée à vous également. Passez une excellente journée sous le soleil. Profitez-en bien, car demain, c'est la douche. Et puis, bonne journée également à Julie. Hein, bah merci, dis bonne qui va aller travailler pour payer son PV de ce matin. Voilà. Voilà, hein, c'est ça, exactement. Puisqu'elle était quand même à 180 à la place de 40. Oui, bien sûr. Donc, c'est très dur quand même. Hein. Voilà, bonne journée à Love, bonne journée à Toff également. Et puis, dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer avec le self, comme chaque matin. Ensuite, Pure Dance Floor avec Jasmine, Evan et toute la tribu débarquent. À 17h et enfin la libre antenne pour finir la journée. Libre antenne avec Vince, Nabil et l'abbé à partir de 20h. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde, à demain. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique.